À mon routier que j'ai suivi ce soir, ça fait longtemps. Bisous Laetitia. Peut-être qu'il n'osait pas te le dire aussi en direct et qu'il va t'envoyer un SMS, c'est possible. Julien, sale putain, je te pisse avec. Arrêtez, sale putain. Et je te fisse le cul avec une batte de baseball. Ah, mais il y en a qui sont vénères sur toi. Mais pourquoi ils ont mais t'as fait du mal à des gens, toi. Mais non, je sais pas. C'est toi qui es dans la mafia, justement. Ça se voit que je suis pas dans la mafia. Un bar de nuit. Tu poses problème à des patrons de club. Rien du tout, je te jure. Trop content de vous retrouver. Salut les gars, moi je viens d'avoir une fille que je l'aimais et elle m'a dit qu'elle me répondrait demain. J'ai vu ton message, mon frère, t'inquiète. Laisse ton numéro si tu veux passer. C'est à l'heure de JM du Standard maintenant de nous dire une bonne blague sans bugger. Sinon, nous reviendrons au début. Allez. Et la bombe à eau s'écrasera sur cette tête. N'empêche, on aurait pu. JM du Standard, on t'écoute, c'est parti. Alors, c'est un mec qui va voir son pharmacien et lui demande s'il a pas un remède contre la constipation, tu vois, parce qu'il en peut plus. Le pharmacien, il lui dit oui. Mais voilà. T'y crois pas à ta blague là. Mais si, je te connais, t'y crois pas. Il manque la conviction. Non, t'es pas convaincu de ta blague. JM du Standard qui est un énorme compteur de blagues. Dans tout le sud-est, le mec il est demandé tout le pour les mariages, les bar mitzvahs, tous les trucs. Il fait tout. Et là, James Zana, il est mou. Là. Non, je te sens pas, le compteur. Mets-moi de l'énergie. Ah, j'y vais. Sautille un peu. Là. T'as mal à la gorge Ouais, j'ai de la température de plus en plus. J'ai une angine. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, ouais. À mon avis, hein, je pense qu'on a tous une angine. Moi, je l'ai pas encore, mon angine. On a tous un peu d'angine en nous. Mais c'est pas ça qui nous dit. Attends, je vais te dire, tu prends des cachets ou pas pour soigner? Tu prends quoi? Rénaville, Dolérum, pareil. Non, mais ça, c'est pas des cachets, bordel. Vous comprenez pas la différence entre des cachets pour se soigner et des trucs pour enlever un petit peu les symptômes. Matin, donc Ah mais faut aller chez le médecin. Ouais, je sais. Une angine ça va te rester longtemps sinon. T'auras plus de voix toute la semaine. Et vu que tu fais de la radio, je me permets de te dire que tu peux te soigner. Ouais. Parce que sans voix, c'est la merde. Et le fait de prendre de la cortisone, ça donne un petit peu d'énergie. Ouais. Mais il faut une ordonnance. Et je sais, c'est peut-être pour ça que j'aime le standard un petit peu en dessous. Ah mais il peut aller voir un médecin, puis il aura une ordonnance aussi. Ouais, oui, carte vitale, je pense. Mais c'est pas en prenant des solutricines ou des pastilles à sucer là. C'est bon. Ça existe plus solutricine, les vieilles pastilles. C'est aussi bon ça. Voir un peu ça. Deux faces là. Ah oui. Allez, JM du Standard, on t'écoute avec un petit peu d'entrain. Ah ouais, j'essaye. Un petit peu de plaisir. Ah, évidemment, non, mais... un petit peu d'énergie. Allez. Sinon, on va être obligé de t'envoyer travailler sur Radio. Ah non, pas là-bas. Radio Grenouille à Marseille. Ah non. Allez, Radio Galère à Marseille. On les embrasse. Ouais, salut. Ouais. Allez, on t'écoute, JM du Standard, c'est parti. Alors, c'est un mec qui va voir son pharmacien et lui demande s'il a pas un remède contre la constipation. Le pharmacien, il lui dit oui, mais par contre, attention, le remède, il est super efficace. Donc, il commence à poser des questions au mec. Il lui dit alors, attendez, de la pharmacie à chez vous, il y a quoi? Il y a 500 mètres. Alors là, il prend un liquide rouge et le met dans un flacon. Du bas de votre immeuble à chez vous, il doit y avoir quoi? Les 50 mètres. Là, il prend un liquide bleu et le met dans le flacon. De la porte d'entrée de chez vous jusqu'aux toilettes, il doit y avoir quoi? 10 mètres. Là, il prend du liquide jaune et il le met dans le flacon. Pareil, il mélange tout ça. Il dit au mec constipé, il fait voilà, buvez ça maintenant, rentrez chez vous direct et revenez me voir demain, tout devrait être ok quoi. Le lendemain, le mec il revient et il dit au pharmacien, bon, comme pharmacien, vous êtes super, je suis plus constipé, mais comme mathématicien, vous êtes très mauvais parce que vous êtes trempé de 100 mètres. Ah, c'est dur. Ah, ça veut dire qu'il a chié avant. Elle est mignonne, Il l'a appuyé trop la fois. Ah, il a appuyé trop. Le mec, il a trop rigolé. J'ai stagiaire, c'est la salope à Judas. Arrêtez. Non, je vais mal le prendre et je vais partir. Non, respectez-le. La salope à Judas. Ah ouais, ça c'est hardcore. Mais tu te rends compte de la phrase ou quoi? Ah ouais. J'ai stagiaire, c'est la salope de King Kong. Et on traite de salope, on traite de pute, on traite de tout. Une grosse pensée à mon meilleur pote, une grosse pensée à mon pote qui s'est suicidé, qu'on a inséré hier matin. Elle dit qu'à sa table, mon poteau, je pense à toi, il n'y a jamais dans mon cœur, à ma tête. Merci de remonter le moral. Salut Nono, le routine normand. Bon courage, poteau. Ouais, tiens, bon mec. Ouais, c'est relou. Là, je commence la chimio jeudi. J'espère juste avoir internet à l'hôpital pour vous écouter, pour retrouver un peu de joie. Je te fais des gros bisous, mon ami. Bon courage. Ouais, bon courage à vous les potos. Alors du coup, tous ceux qui avaient envie de rire ce soir, je m'excuse de la part de JM du Standard. Oh non. Hey, on est d'accord qu'il n'a pas été à la hauteur. Ah non, j'ai reçu des pastilles. Arrête, c'est pas drôle. J'ai bien sucer des pastilles pour la gorge. C'est vrai quand il est malade. Tu sais que moi j'ai eu des messages de potes qui m'ont dit j'ai pleuré de rire dans ma voiture avec vos messages l'autre jour sur Julien. C'est vraiment drôle en vrai. Je crois que ça vous a vraiment plu. Ça drôle. Je crois que ça vous a vraiment plu. J'ai eu vraiment beaucoup de messages l'autre fois. J'ai pensé. On peut arrêter par respect pour moi ou non? Non, mais non, c'est clair, question. C'est clair. Non, arrêtez avec les messages sur Julien Stagia. Ouais, on ne les lira plus. Non, quelqu'un d'autre de l'équipe, mais pas moi. J'ai envoyé un message mort de rire. Je suis insomniaque. Est-ce que tu as des idées pour pouvoir dormir plus longtemps? Salut à toi. Ah, bah oui, bien sûr, on peut en parler. Hein. Pas moi, mais il y a des gens qui ceux qui écoutent l'émission qui pourront réagir avec plaisir. Vous pourrez réagir. Hein. Lamentable la blague, le mec. Ah, je suis désolé. Ah, ouais. C'est Yaska ici, ma blague. Tu me fais rire, tu m'offres la PS4. Salut. salut les gars. Dit là, mais les gars, non, mais le mec il m'envoie des vannes ultra racistes par SMS. Tu veux que je les lise? Là, je peux pas lire ça, frérot. Bah non. Dit à Julien, stagiaire, de revenir chercher ses 30 euros et les oublier au bout de Boulogne. Salut. Ah, c'est drôle, bravo. Stagiaire, c'est la putain de DSK. Non, mais arrêtez avec ça. Ouais, mais c'est bon, on a compris. Ouais, c'est vrai, c'est bon, lâche l'affaire. Respect à Julien, il y en a qui dit voilà. Ah, ouais, merci. Stagiaire, c'est la salope au merci. On rigole de ça. Salut Thomas du 78, j'ai fait meilleur temps à 2 secondes près de toi. Salut, gros bisous, mon poteau. Énorme. J'ai fait un défi. Si vous allez au salon de l'auto, il y a un stand du Trophée Andros, il y a le simulateur et je suis numéro 1 pour l'instant. Vous pouvez essayer d'aller me battre là-bas. Mais 2 secondes, c'est énorme, hein, frérot. C'est en centième de seconde que ça se compte les courses. Mais c'est bien déjà, attends. Hein, parce que moi, je l'ai fait 10 fois, hein, mon pote. Hein. J'ai un peu triché. Hein. Je suis stagiaire, il avale le tube avec la passe. Ah, ça va. Trop cool de vous écouter chaque soir. Bonsoir à toi, Ouloulou. Big up au collège Pilâtre de Rosier dans le 11e. Bonsoir à toi aussi. Salut. J'ai un stagiaire, il est sympa, je l'aime bien. Ah. Surtout avec du muspa. Ah voilà, je savais qu'il y avait une suite chelou. J'ai reçu dans les doigts. Non mais arrêtez les mecs, franchement on passe à autre chose. Mais ça gentil. J'ai plus standard, il a des mains, on dirait des pieds, ça dure plus. Il a fait mieux comme blague, on l'a connu meilleur. C'est vrai. Je me suis chié dessus en vous écoutant, j'en ai partout des casses à Paulo et Matou. Salut. Est-ce que tu pourrais m'appeler, j'ai un truc de ouf à raconter. Bah laisse ton numéro, hein. Guillaume et votre message au 612. J'ai stagiaire, c'est un des reines du Père Noël, il se fait fouetter. Je suis pas une reine. Non, je peux pas le lire celui-là, il est énorme, mais avec Bertrand, je peux pas le lire. J'aime bien Julien. J'espère que vous avez rien contre lui. Bah non, attends. Je sais pas ce que vous avez contre lui, bah lancez des messages, les autres. Bah non plus, je sais pas. Moi non plus. JM, tu m'as coupé l'envie de me faire gongbonger, c'est très rare. J1, c'est la Ray à Fun Radio. C'est la Ray à Fun Radio, salut les gars. Pas du tout. Pauvre Julien, comment ça se fait? Ces massages n'étaient pas comme ça avant. Gros bisous à vous et surtout Julien pour une fois. Stéphanie du 21. Oh. Ah, salut Stéphanie, merci. Tu connais Stéphanie ou pas? J'en connais, mais du 21, non. Arrêtez, il est sympa, je viens stagiaire sans. Ah bah oui, non, mais bah oui, ça, bah, bien sûr. Non, merci pas. J'ai un stagiaire quand il est malade, il met que des suppos. C'est pas drôle. C'est des messages de merde en plus là. Faut pas les lire. Non, mais il y a plus rien d'autre là. Non, lis lui à ça, t'alimentes le truc. Allez, j'arrête de lire les messages. Ouais, merci. Parce qu'il y a plus que ça là. Ouais, fais une pause encore là. Non, mais en plus, vous êtes très très fort. Qu'est-ce qu'il y a, Fleury? Oh, ça va. Le 239, j'aime bien. Ah. Alors attends, un dernier, puis après on arrête. Mais non, mais comme par hasard, un dernier à chaque fois. Non, arrête de faire chier à finir par péter un câble morte de rire. Pauvre Julien stagiaire, il est gentil. Ouais. Julien stagiaire, c'est la salope à Poutine. Non, mais ça va rien dire avec lui. Mais... c'est la prostitute de Jean-Marie Le Pen. Enzo oh, mais n'importe quoi. Tu kiffes le mec, balance de l'épaule, le mec est mort de rire. Enfin bref, bon, il y a que des messages sympas. Hein. Je vous embrasse. Voilà. Alors, JM du standard, c'est l'agresseur de Kardashian. Non, mais arrêtez, les gars. Respectez-moi. Je suis comme ça. Arrêtez. En plus, c'est une arménienne. Alors, Camille, excuse-moi, ma Camille. Hein. T'es en quelle classe, toi, Camille, alors, du coup, là? Moi, je suis en bac pro. En bac pro quoi? J'ai rattaqué. En mécanique auto. D'accord, ok. Vas-y, bah, enchanté en tout cas. Qu'est-ce qui t'arrive alors, toi? Eh bah, moi, en fait, il se passe que c'est mes copines qui m'ont montré ça. Il y a quelqu'un sur Facebook qui s'est passé en gros pour moi, qui a changé son prénom, mais qui a pris toutes mes photos. Ah ouais? D'accord, ok. Ouais. Et t'as pris toutes tes photos, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que toutes les photos qu'il y a sur mon profil Facebook, en fait, elle les prend toutes. Ah ouais. Donc en fait elle se fait passer pour moi. Donc on a essayé de la bloquer, enfin de la signaler machin et tout, et ils veulent pas la bloquer, ça marche pas. Donc je sais pas trop comment faire, c'est un peu ouais. Chiant, et attends, et j'ai pas compris, en fait t'as juste un compte fake en gros sur Facebook, c'est ça? Ouais, en gros c'est ça. Bah c'est pas très grave. Bon, après tu peux le signaler, hein, tu peux te le faire sauter. Hein. Ouais, grave. Moi j'en ai plein, putain, ils me font chier les mecs là toute la journée, ils essayent de vendre des iPhones. Ils font croire qu'ils donnent des iPhones. Et les gars, là par contre, je vous dis la vérité, hein. Ce soir à la radio, j'ai un iPhone 7 à vous offrir. Il y en a à côté et un iPad Air 2. Ouais. Mais c'est à la radio. Donc de temps en temps, on peut avoir des cadeaux sur Facebook, mais c'est que sur ma page principale. Si c'est sur une autre page, c'est que c'est pas vrai, les gars. En tout cas, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir parler à l'antenne, hein. Guillaume et votre message là, au 612. On se raconte un peu nos histoires comme Camille de Grenoble là, qui a eu un compte fake. Et tu peux le signaler, hein, tu vas le signaler avec des potes et tout, ils le font sauter le compte, ouais, là, normalement. Si vous êtes mais on plusieurs. L'a déjà fait, hein. Ouais, fais-le. On l'a même parlé et tout, et y'a rien. Hein. Et de quoi? Et il enlève pas? Non, il veut pas. Mais il y a des mails, mails, sinon tu peux écrire un mail à Facebook. Support Facebook. Franchement, moi, ils me l'ont fait. Hein. Il faut juste que tu signales à 2 ou à 3, quoi. Ah, mais on a été beaucoup hein, à la signaler, mais il faudrait que je leur envoie un mail parce que là, on est franchement, hein, on est plus de 50 à l'avoir signalé, elle est toujours là. Hein. C'est vrai, bah, ils vont agir, t'inquiète pas. Après, je les trouve pas très réactifs. Hein. Sur Twitter, par exemple, c'est abusé. Ouais. Ouais, Twitter, c'est ouf. Non, on est d'accord, non. Il y a plein de trucs de merde. Non, mais comment ils acceptent qu'il y ait des comptes de terroristes ou des trucs chelous, là, ils les laissent. Mais je pense que c'est fait exprès pour les tracer. Ouais. Ah, genre la police.

qui est bon, pas par deux. Les cerises, les Twix et Guillaume Radio 2.0. Pendant 2 heures, de 22h à minuit. Du lundi au vendredi, sur Énergie. Allez, et dans 2 minutes, j'ai des iPhone 7 et des iPad Air 2 pour la même personne. C'est le double hit qui va tomber. On va se faire un jeu mafia ce soir aussi. J'ai besoin de défis mafieux. Vous pouvez y aller sur Twitter, vous mettez un petit hashtag Guillaume défie la mafia avec un défi que vous me proposez ce soir. Et on va le faire tout à l'heure. Voilà, on le fera demain parce que ce soir, on a déjà le défi. On a déjà le défi, c'est de faire une roulette russe bombe à eau avec l'équipe. C'est un pistolet avec une balle, avec une aiguille à l'intérieur qui tire en fait avec une bombe à eau qui est accrochée devant. Et on va chacun se le passer, on va faire une roulette russe à chaque fois. Salut Morte de rire, salut, je veux offrir une stripteaseuse à mon fiancé pour son anniversaire. Ah, c'est bien ça. Crois-tu qu'il peut apprécier? Bah, ça dépend des mecs. Ouais. Il y a des mecs que ça peut mettre mal à l'aise hein, devant des potes. Il fait que regarder ou il agit après. Mais c'est marrant, ça peut être rigolo comme délire. Ça dépend si ton mec c'est un fêtard, s'il y a tous ses potes autour, ça peut les faire rire. Ouais. Après, ça dépend vraiment. Moi, je sais que j'apprécierais pas trop. Je serais pas trop. Que ta meuf te l'offre. Ouais, je serais pas trop à l'aise. Ouais, franchement, c'est rigolo. Non, mais en vrai, je préfère qu'il m'offre un autre cadeau. Non, mais dans ce cas-là, je préfère aller. Ouais, un week-end, dans un club échangiste, toi. Voilà, non, mais vraiment. Salut en tout cas, merci Morte de rire. Salut Guillaume, idée de jeu. Un mec doit se faire passer pour ultra bourré et appeler un proche pour qu'il vienne le chercher. Mais le mec est tellement bourré qu'il tient des propos incohérents qu'il n'arrive rien à expliquer. Le but étant d'énerver l'autre. Salut, je suis au bord de la route en panne seule comme un con. Je vous écoute, vous êtes énorme, appelez-moi si vous voulez. Je m'emmerde. Salut Thiago. Salut. Salut Thiago. Alors attends, je t'appelle 2 secondes Thiago parce que tu m'as demandé, puis après j'enchaîne direct. Thiago qui est en panne, je sais pas qui c'est Thiago. Hein. On se connaît pas, hein. C'est un SMS qui vient d'arriver. Comme je vous ai dit, l'émission. Vous m'envoyez un message, je vous appelle hein, avec plaisir les mecs. Hein. Par contre, faut répondre, Thiago. Puis après, on va parler des galères qu'on a eues au bar et tout là. On va en parler dans 2 secondes. Votre pire resto et tout ça, si vous avez des galères. Je me suis fait niquer 1000 E. Salut frérot, putain, alors vas-y, tu vas nous raconter. Ouais. On va t'appeler. Ouais, allô. Allô. Ouais. Ouais, ça va, Thiago, t'es en panne. Salut mec. Ouais, putain, je suis à Dax, les gars. Là. T'es à Dax, mais t'es quoi? T'es routier ou t'es dans une voiture? Non, non, pas du tout, non, je suis dans un tracteur. Ah merde, et, et pourquoi t'es dans le champ ou t'es sur la route? Non, non, c'est ça, je suis dans le. C'est un bord d'une route, quoi. Ah ouais, route, t'es en panne, quoi. Je suis sorti mais... et. Ouais, nickel. J'attends l'équipe de. Je suis dans le dire, là, mais bon. Ah putain. Je pense que je m'attends, quoi. Ça fait combien de temps que t'attends, là? Ah ben ça fait 1h30 déjà. Non, oh là là. C'est long, hein. Et t'as pas le chauffage, alors, du coup, là? Ah bah écoute, j'ai la clim, mais t'as le moteur allumé, t'es le chauffage. Ouais, ça marche pas. Ah merde, ouais, putain. Mais il fait bon là, ça va. Non, il fait pas bon là. Non, ça se met à faire froid. Va dehors, va dehors. Il est à Dax, dans le sud-ouest, ça va. Non, mais à Dax, il fait. Mais d'accord, mais il fait pas très chaud la nuit, hein, excuse-moi. Ouais, enfin là, oui. Non, les gars, t'appelles là. Ah merde, bien sûr, bien sûr. T'appelles ça depuis 1h30. Ah ouais. Et toi, t'es agriculteur de quoi? Genre, t'as quoi? T'as des semis et tout, genre? C'est ça. Alors en fait, moi, je travaille pour un patron là. Et en fait, je fais tout ce qui est la récolte de maïs doux avec des moissonneuses batteuses et puis avec les tracteurs. Ouais. Ah ouais. Il a la même voix que Kenji, mais pas du tout, excusez-moi. Ah ouais, non, Thiago. Ouais. Pourquoi Kenji? Non, parce que. J'ai pas la guitare, les gars. Non, mais c'est. Ah ouais, on adore Kenji, on l'a. Ah oui. Et, non, mais c'est vrai. Non, mais en fait, il y a des petits trucs comme ça. Vite fait, mais c'est trop. Il y a un air. Non, c'est pas la même voix. Je suis serveuse et je trouve que les clients sont de plus en plus exigeants et pensent qu'on est leur service tout le temps. Salut, Tatiana du 6-2, là. Salut. Moi, j'ai revu celui qui m'a agressé il y a 8 ans et en arrière, je ne sais pas quoi faire. Help, salut Aurore, oula, on va t'appeler. Alors, ouais. Tu pourrais faire vérifier également ton profil perso, Guigui. Je vais pas le décrire, on a des gens en commun, mais au moins les autres qui ajoutent sont identifiables comme faux aussi. Ah oui, tu peux le faire vérifier, même le vrai profil, d'accord, ok. Ah bon? Ah, c'est gentil, ça, ouais, c'est un bon truc, merci mon ami. Je vais pas le décrire, on a des gens en commun. Ah, d'accord, ok. Mais alors qui es-tu, si on a des gens en commun? Les stagiaires, ça fait violer la rectum. Arrête, ouais, arrêtez. Et alors, mon Thiago, tu veux faire une dédicace ou pas en attendant tes sauveurs là? Toi qui es en panne. Ouais, non, mais en tout cas pas eux, parce que de toute façon ils m'entendent pas. Ouais, bah, t'en sais rien. Dédicace à vous les gars, parce que vous êtes énormes et continuez comme ça, quoi. Merci beaucoup. Merci, ouais. Merci. Ah, surtout toi. Allez, la bise, les gars. Ouais, bon courage. C'est pas toi qu'on voit dans la pub Kinder Bueno qui mange le dernier Kinder Bueno. C'est le mec qui bat toujours devant le distributeur avec qui prend tout le monde. C'est ça. Bon, je t'embrasse, mon frère, et puis bon courage. Hein. Allez, bon courage pour les iPads. Bisous, bonne chance. La bise, des bisous. On va retrouver Olivier qui est là. Bonsoir, Olivier. Puto, ça va Olivier? Salut mon Guigui, salut toute l'équipe. Salut ma grande. Salut papa. Salut ma grande folle. Ça va, ma belle. Ça va, vous allez bien? Olivier, 15 ans, représente un bon Olivier. T'es en quelle classe, Olivier, plutôt? Là, je suis en troisième. Elle est belle, elle est bonne. Ah. Elle mange des. Elle mange des beignets à la pomme. Elle est belle, elle est bonne. Allez, ça met des lunettes bleues, ça va fanfaronner chez Michou. Ah, t'es sûr. Ça y va pas que pour la musique. Ça y va se faire démonter comme un rideau. Jouer à stagiaire, rendez-vous chez Michou. Non, mais apparemment c'est bien là-bas. Le samedi soir pour jouer à stagiaire, c'est féerique. C'est le Lido ça. Votre au Lido. Il est gentil mon Michou. Ah merci mec, c'est vrai. Ah mais je t'adore. Tu as l'œil. Si tu veux. Ah bah écoute, hein, fais un check. Bonsoir à toi. Un peu de respect pour Gilles Stéger, c'est plus possible, c'est Jean-Luc. Oui, merci Jean-Luc. Classe au collège Jacques Prévert, RIP Alban. Bonsoir à toi, 16 ans, gros bisous les gars. Salut. J'ai 14 ans, j'aime une fille, je ne sais pas comment la séduire, est-ce que pourrait m'appeler. Mais je préfère rester anonyme. Il faut quand même laisser ton numéro, mon copain, si tu veux que je t'appelle. Même sans dire ton vrai prénom, il n'y a pas de problème. Alors Olivier, alors la belle, elle met des lunettes rouges maintenant, elle a changé de couleur. Alors ma petite couillasse. Elle va faire un tour chez Jean-Pierre. Elle va se faire démonter là. Elle va se faire démonter comme une tringle. Hein mon Olivier. On se retrouve dans les bas-fonds de la capitale, dans une cave, accroché les mains et les pieds. Absolument, ma Pamela. Ah, il n'y a pas de problème, écoute. Hein. Écoute, alors vas-y, donc, tu voulais raconter un truc, Olivier, excuse-moi. Parce que tu as une galère au resto, c'est ça? Ouais, c'est ça, en gros, ouais, c'est mes parents. C'était mes parents, on était au restaurant, donc j'étais avec mes parents. Ouais. Et à un moment, mes parents, ils ont demandé s'ils pouvaient avoir une carafe d'eau à un serveur. Un serveur qui servait logiquement au restaurant. Ouais, ouais. Et donc on demande une carafe d'eau et lui il repart tranquillement mais en soufflant, genre limite on le faisait chier, tu vois. Ouais. Et le pire c'est qu'après, mes parents ils ont parlé, ils m'ont demandé carrément si on faisait chier, si on énervait. Et voilà quoi, du coup limite il nous l'a balancé en pleine gueule quand il nous l'a ramené à la carafe d'eau. Il nous l'a ramené 5 minutes plus tard et limite il nous l'a balancé dans la gueule. Enfin. Ouais, il était horrible quoi, t'es tombé sur un connard quoi. Il était fair play quoi. Après t'as des serveurs parfois, ils sont horribles. Ah ouais. Ouais. Là je suis vraiment tombé sur des serveurs moi. Ils sont samedi c'est le resto et tout. Samedi, et je suis tombé sur des serveurs trop sympas. Ils m'ont envoyé des messages sur Facebook et tout après. C'est des potes après. Et c'est marrant, c'est que j'étais avec des potes et tout, et pendant tout le repas ils ont fait genre l'air de rien. Ouais. Ils m'ont servi et tout. Et en partant, il y en a qui m'a dit continue comme ça. Du coup je dis vous allez bien. Ouais, le mec je me suis lâché quoi. Ok. C'est rigolo ça. Et tout, mais c'était sympa quoi. Après, et moi, si vous voyez au resto et tous les mecs, venez me faire la bise, on est à la cool. Bah, direct. Moi, je t'invite, mon Guigui. Mais viens pas mettre. Me mettez pas un doigt dans l'oreille non plus, quoi. J'ai une famille. Vous pouvez tirer les cheveux, tout, voilà. Ça va trop loin. Il faut être entre les deux, quoi. Ah, mais non, putain. Mais... Alors, moi, je vous gère, les gars. Cette petite coquine aimait son slip trop. Que ça lui rentre dans le cul. Carrément dans le cul, ouais. Ah là là, je viens de te dire, c'est la pub putain. Non, oh je peux là pas lire oh celui-là. Oh là là, j'ai failli lire. En plus, je viens de le voir tout à l'heure. Je me suis dit, il faut pas que je le lise. Et 10 secondes après, je l'oublie. Là. Ah là. Il y a des sales messages. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur vraiment le pire resto au monde? C'est quoi votre pire resto, votre pire bar? Vous êtes tombé sur un gros FDP genre au bar? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous pouvez nous appeler, c'est gratuit en plus, 0870 42 48. C'est exactement ça. Mais elle est bonne celle-là. Elle a mangé du maïs, c'est la bonne mémoire. 0870 42 48, vous pouvez y aller sur le standard. M'appelez hein, ou par SMS Guillaume et votre texto au 612. J'aime du standard, ton pire restaurant ou ton pire bar? Ben en fait c'était un resto, il s'était trompé sur la sauce, sur la cuisson de la viande et sur l'accompagnement. C'est Top Chef à la radio. On va mettre une note. Non mais dis-toi, j'étais avec une meuf et la meuf elle était malade toute la nuit. Donc ça a été le pire resto qu'on ait fait. Ah c'est vrai. Longtemps, en plus, ouais. Elle avait la diarrhée. Ouais. Moi c'est quand je suis allé avec mon ex-meuf. C'est quoi, je suis avec mon ex-meuf, je me suis allé manger un restaurant mexicain, c'est véridique. Oh là, c'est dur le mexicain. C'était pendant mes vacances. Ah si, c'est bon, ça va. Et j'étais aux États-Unis et j'ai eu la chance d'aller. Voilà, je suis passé devant un restaurant et tout. Et moi, je fais les restos, on va dire, bon marché. Et aux États-Unis, t'as que des restaurants de fast-food. Hein, faut savoir. Ouais. Les burgers, les frites. Ou des fast-food. Ouais. Et là, c'était un fast-food mexicain. Ouais. Et j'ai eu une chiasse. Mais alors, les amis, je vous jure, c'était d'une autre galaxie. J'ai mangé et j'ai senti après, en mettant dans le lit, qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Ouais. Tu sais, tu sens. Une sorte de sensation bizarre. Tu le sais. Mais tu te couches quand même en te disant oh, mais écoute, ça va passer dans la nuit. Ouais. Et tu te réveilles dans la nuit et tu sens que tu vas vomir et chier. Tu sais que ça va sortir par les deux bouts. Et tu sais que tu ne peux plus rien y faire. Trop tard. C'était, je venais juste de sortir avec une meuf. Je venais de partir en vacances avec elle. Alors c'est atroce. Hein. C'est-à-dire que j'étais pas censé vomir. C'est horrible de vomir devant une meuf. Faut être un petit peu à l'aise avec elle, quoi. Mais ouais. Si t'es malade, tu peux rien. Et oui, non, mais franchement, la chia, c'est horrible. J'étais une chambre d'hôtel toute petite. En plus, j'ai pris vraiment un truc. Voilà, oui. J'ai pris un motel. Donc un motel, c'est des portes en poutre. Avec les oui, j'ai arrosé la lune. et j'ai arrosé, mais c'était atroce le bruit. Tu mets la musique. J'ai essayé de tirer la chasse d'eau. Non, c'est mort. Et tu peux pas aller dehors là. Et du coup, j'ai vomi et puis elle a frappé, elle a fait. Ça va? Non, ça va pas. Et là, tu sais. Tu réponds quoi là? Bah là, tu dis, bah. Non, mais en fait, c'est par politesse. C'est pour dire, est-ce que tu veux que je vienne? Mais je rentre pas quand même par politesse. Ouais, mais elle va faire quoi en même temps si elle vient? Et bah oui, mais c'est pour gentil. C'est gentil. C'est pour t'aider. Évidemment. Si tu vomis, tenir évidemment. Les cheveux. Ouais. Ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi, pareil, de tomber sur un resto? Alors, ouais. JM, juste en rapport à ton histoire ripou, t'as autre chose? Non, mais non, parce qu'attends. Il a que des histoires ripou. Le problème, c'est que la fille est tombée malade et tout. On a rien pu faire de la nuit en plus après. Il pense qu'il a niqué ce mec. Ouais, c'est pas grave. Non, mais ouais. J'ai une stagiaire, elle se fait démonter dans les écuries. Arrête. Je suis pas un cheval. Je veux dire, c'est la bébé de la saumure. Arrêtez, les gars. Ah, j'ai dit celui-là. Ouais. Représente Dax, ma gueule. Je l'aurais bien aidé dans ma voiture. Déconne, pas possible. Il fait bon ce soir au sud-ouest, les potos. Matt, la grosse voix. Salut, Matt. Salut, Matt. Moi, je chose du 7 à 69. Ah, merci beaucoup. Dédicace à ma diablesse qui m'a rejoint dans mon camion à Rouen, où on a fait l'amour. Salut, Tom le Viking. Salut, Tom. Salut, je suis là. Une jolie fille qui trouve trop beau le stagiaire. Suis-je la seule? Bah, non. Je m'appelle Caitlyn Jenner. Mais t'es une vraie. Ouais. C'est le père, non, qui est transsexuel. Arrête, le père de qui est opéré. Julien, il était déjà arrivé à un bar ou un resto tout pourri. Vraiment, ta pire soirée, c'était quoi? Je sais pas, moi, je suis maudite dans un café à Paris. À chaque fois que. Enfin, pas à chaque fois, mais le serveur est horrible avec moi à chaque fois. Et un jour. Pourquoi tu retournes? Bah oui, non, ouais. Parce que lâche l'affaire à un moment donné. Parce que c'est un truc un peu stylé, genre. Ouais, c'était à côté de chez moi et tout. Donc bon, voilà, j'y vais, c'est plus pratique. Et donc le mec, un jour, il vient et il me renverse le thé que j'avais commandé, mais sur moi, mais le truc bouillant sur mes cuisses et sur mon t-shirt, quoi. Ouais. Horrible. Il m'a ébouillanté, le gars, je l'ai insulté de tous les noms. Et depuis, il est très aimable. Ah, c'est vrai? Ouais. Depuis qu'il a été. Bah oui, il a fait une connerie. Je lui ai dit, j'ai été voir le responsable et tout. Je lui ai dit, c'est pas possible. Et je suis ébouillanté, j'ai des marques rouges et tout. Bon, j'en ai un peu fait trop et tout. Ouais. Et maintenant, il est sympa avec moi. D'accord. Elle va bientôt faire des phrases. Rendez-vous demain. Si ce soir c'est la fête des restaurateurs, demain on se fait les clients. J'ai pas compris. Ah, pour de moins en moins polis et qui veulent tous les trucs. C'est pour un sujet demain soir. C'est un gars, il est carrément bourré, il s'endort sur son lit en face de lui. Dieu dit tu es mort. Le gars dit non, moi je veux vivre. Dieu lui dit qu'il va vivre, mais en poulet. Là il est en face d'une poule et le gars lui dit j'ai mal au ventre. J'ai pas la suite. Tu la connais, Je la connais, mais je me rappelle plus. Ouais. Merci, James Sonda. Avec plaisir, Guillaume. Le rire de Flo des canons est trop tordant, je vous le kiffe. Merci, les gars. Moi, si je te croise, je gueule, c'est qui le papa? Bah, avec plaisir, les mecs. Ouais. Je suis un stagiaire, lui, se rentre les barres de péage dans le cul. Bah, n'importe quoi. JM du standard est un schtroumpf tellement il a de bleu à cause des coups de bite qui s'est pris. Mais qu'est-ce que c'est? Mais les gars, vous êtes violents aujourd'hui, là. J'ai rien fait, mes copains. Oh là là, putain, c'est marrant, vrai, c'est pas sûrement. En fait. Ah ouais. Merci pour les messages. Ouais. Ma copine est serveuse dans un grand restaurant à Saint-Malo. Et quand on va au resto, tous les deux, on se fout bien la gueule des serveurs. Mordeur, le petit Joe, salut à toi, là. Salut. Bah, c'est gentil, en tout cas, pour les messages. Je suis un stagiaire à ton pire restaurant. Il y en a eu plein. Au ton pire bar. De quoi? Ouais, mon pire restaurant, j'étais au collège avec un pote à moi, c'est ses parents qui m'avaient invité en fait. Et le soir, j'ai mangé une viande là-bas, c'était pas bon. Je me suis forcé à manger, tu vois, ils m'ont invité. Et à la fin, la mère de mon pote, elle me demande c'était bon. Je dis ouais, j'ai tout vomi dans le restaurant en fait. Ouais. Donc voilà. Voilà. Donc tu c'est quand même pas bien, je me suis forcé et j'ai vomi. T'es tombé malade en fait, finalement. Bah ouais, mais j'ai dit que c'était bon, je me suis forcé et bim. J'ai un stagiaire, lui, il aime que les lavements, merci beaucoup. Dédicace à Stéphanie, mon cœur que j'aime pour la vie, à toi Guillaume et à toute l'équipe. Salut Toto du 7-6. Salut Toto. Venez nous raconter, est-ce que vous êtes déjà tombé sur un gros FDP, mais genre abusé au restaurant? Est-ce que vous êtes déjà tombé sur un FDP dans un bar, pareil, une histoire de ouf et tout? Olivier, t'embrasse qui? Le téléphone? Bah toi. Mais toi t'es un... Ce mec est fou. Allez, vous bougez pas. On s'entend juste après Boosty. On se fait popcorn sur Énergie. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind. When my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind. Everything's alright. Faudra vite se fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière. Car au bout du compte, nous sommes des milliers. Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous aller dès qu'on est peut-être fou. En fait, faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. trop les duos, manque de sommeil. Veux-tu vivre dans un monde sans soleil? Nous c'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure. Mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Je capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les deux meilleures heures de la journée. De 22h à minuit, du lundi au vendredi, c'est Guillaume Radio 2.0. Allez, de retour, je croyais qu'il y avait un truc derrière. Je sens que je vais briller. C'est son bras après. J'ai l'impression de planer. On va se faire le défi mafia. Je vous offre des iPhone 7 et des iPad Air 2. On vous file les deux cadeaux ce soir. S'il y en a qui veulent des trucs aussi, avec plaisir. C'est le double 8 qu'on va faire sur Énergie dans deux minutes. Et alors, et quoi, Olivier? Attends, et juste. Les double I. Ok. C'est ça qui est bonne, surtout Olivier, comme toi. Ah, carrément. Tu es la plus bonne de mes copines. Bah, fais-moi tourner. Ah, c'est chaud là. Emmène-moi et je vais stagiaire, on va tourner. On va ramener des sous. Salut, offrez-moi FIFA 17. Avec plaisir, Dylan de Strasse. On en a aussi. Envoyez-moi Guillaume et FIFA avec votre numéro de téléphone maintenant. Et bah, Guillaume et FIFA. Guillaume, un espace FIFA avec votre numéro au 6-11-12 maintenant. On va faire un petit tirage au sort et je vous file ça là. Guillaume, un espace FIFA avec votre numéro. Et on va prendre un numéro au hasard pour vous enfiler. Il y a Meryl qui vient d'appeler. Bonsoir Meryl. Bonsoir. Bonsoir. Salut, Meryl ça. De Mex devant Vierton, c'est ça? Oui. Eh ben enchanté Mex devant Vierton. Salut à toi Meryl. T'as 12 ans Meryl? Oui, c'est ça. Eh ben enchanté. Ça va, t'es pas trop stressé Meryl? Un peu. Bah vas-y à la cool, on en trop pote. Franchement on est à la maison. C'est qui t'a répondu? C'est Flo des cadeaux ou Julia? Flo des cadeaux. Flo des cadeaux, bah voilà, ouais. Tu vois, on est vraiment à la maison. T'as envoyé un message ou on t'a rappelé par standard? J'avais envoyé un message. D'accord, par texto. Cool. Très bien, parce que sinon vous pouvez aussi nous appeler. Hein. 0870-42-48. 0870-42-48. Ou par téléphone, sinon par texto, pardon, Guillaume et le message au 6-11-12. Flo des cadeaux. Ouais. Flo des cadeaux va nous offrir des iPhone 7 dans un instant et des iPad Air 2. Pour le double. D'abord, on file des FIFA. Allez-y, hein, Guillaume et FIFA. Avec votre numéro, on va prendre au sort un numéro maintenant et on va vous filer maintenant le FIFA 17 là. Guillaume, un espace FIFA sur PS4, j'en ai plein à vous offrir. Vous m'envoyez Guillaume, un espace FIFA avec votre numéro au 612. T'es en quelle classe Meryl toi? En première rénovée. En première rénovée, très bien. Vas-y, bah dédicace ceux qui sont là-bas alors. Et t'es déjà passé à la radio ou t'es jamais passé à l'antenne? Jamais passé. Oh, ça se dépucelle ce soir. On fait un dépucelage en direct en plus. Très bien. Qu'est-ce qui t'arrive alors? Ben, un jour, j'avais été manger à un restaurant et ils m'ont donné de la viande périmée. D'accord. Et comment tu sais pourquoi tu dis qu'elle est périmée? Bah, je sais pas. Il n'y a pas la date dessus, hein, sur la viande. Merci beaucoup. Elle sentait pas bon, peut-être? Et Meryl, j'imagine non, que si tu me dis ça, c'est qu'elle avait soit mauvais goût, soit t'as été malade, soit un truc. T'as vomi, t'as varié. Ouais. Bah, elle avait goût genre sucré et j'ai été malade. Ouais, tu le sens. Bah, la viande, ça pue. La viande est plus. Ouais, c'est ça. Une viande, la en couleur, général, ça devient un peu bleu ou vert. Ça dépend ce que c'est. Flo des cadeaux, c'est quoi ton pire resto, ton pire bar? Moi, mon pire resto, j'étais avec mes parents et en fait, depuis le début de la soirée, ça gueulait dans les cuisines. Tu sentais qu'il y avait une engueulade et en fait, on s'est fait servir nos plats. Et là, t'as la patronne qui arrivait en furie, qui nous a repris les plats et qui les a ramenés en cuisine sans nous dire pourquoi. Oula, c'est pas bon ça. Ah, ouais. En fait, on l'a entendu rentrer en cuisine et se mettre à hurler et donc elle est revenue nous voir pour s'excuser. Elle nous a dit que elle pouvait pas nous servir ce soir et que donc. Bah, il fallait qu'on parte quoi. Oh, pourquoi? Donc, on n'a jamais su pourquoi, mais on s'est douté que les plats devaient être pas frais ou que le cuisinier avait fait une connerie. Quoi. C'est vrai. Oh là là. Mais on n'a jamais su pourquoi exactement. Ouais. Ou alors c'était pas fermé, ou il y avait un truc, où il a craché dans les plats. Non, il y avait un sabotage. Il y avait un truc, mais il y avait un truc qui allait pas, quoi. Ah ouais, et t'as jamais su pourquoi. On n'a jamais su pourquoi, mais elle était en furie quand quand on l'a vu. Mystère et boule de gomme. L'enquête. Ça c'est où? Ah ouais, c'était arrivé ça. Ouais ouais. Bon, restons. Je m'appelle Frédéric Garibaldi. Nous sommes en 749, à l'aube des marécages, aux alentours d'Orléans. Une épidémie de choléra a décimé plus de 6 millions de personnes en France. Je suis en train de rechercher ma famille, mon petit frère, mon petit cousin, ma petite cousine, mon petit beau-frère. Ils sont tous petits dans la famille. Je les recherche dans les marécages depuis 2 heures maintenant. J'espère que je vais les retrouver. Peut-être qu'ils sont malades, peut-être qu'ils sont en vie. Attendez, attendez. Philippine ! Oui. Philippine ! Oui. Mais tu as l'air d'avoir froid. Oh, je grelotte. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es malade ? Tu as le choléra ? Oui, c'est manger un petit bout de viande ce matin, mais la viande, il y avait des fourmis et des vers, mais maman a dit qu'il fallait manger car nous n'avons rien d'autre. Non mais là c'est même plus vilain. Je sais pas, je suis parti. J'ai même plus de mots. J'ai même plus de mots. JM du standard, c'est la pupute à Joule. Salut. J'étais arrosée dans l'espace pour se faire arroser. Merci beaucoup pour les messages. J'étais serveuse et je suis toujours un peu. Faut voir comment certains clients nous parlent, c'est abusé. Ah donc il y a la rébellion des restaurateurs. Ah les serveurs. Ouais. Ouais. Salut Florian. Salut. Allez vas-y, je vous offre un FIFA 17 et ensuite on se fait le jeu avec les comment ça s'appelle la roulette russe. On va se le faire à l'occasion de la sortie du Mafia 3. C'est un pistolet qui tire en fait sur une. On va mettre des bombes à eau au-dessus de nos têtes. Ouais. Et on va faire une roulette russe avec. On va le faire dans 2 minutes. On va prendre Julia, Flo des cadeaux, ouais. Julien le stagiaire, oh, et JM du standard. Ouais. Oh là là, on est à voir ça ce soir. Allez. C'est moi qui vous appelle, les gars. J'appelle pour FIFA. Si t'as envoyé ton numéro, faut que tu répondes, frérot. Ok. J'appelle en numéro caché. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Écoute bien ton numéro. Jérémy. Oh là là. Bah on appelle un autre numéro, je suis désolé mon Jérémy. Faut répondre quand on appelle, hein, par contre, quand vous jouez. Allez, c'est parti. Guillaume et FIFA avec votre numéro au 612, allez-y. Hein. J'en file plein. On en offre en antenne et tout. Moi, le jour de l'ange, j'ai un bout de verre pointu dans ma viande. Salut, Missy. Ah, allô. Salut, Missy. Allô, salut. Bonsoir à toi. Bonsoir, c'est Marine. Bonsoir, Marine. Et dis son prénom, elle est magnifique. Salut, Marine. Ça va, Marine? Enchantée. Oui, vous, ça va? Ouais, très bien, comme d'hab, on est à la maison, voilà. Ouais, ça va. On est au 6e étage, dans le petit studio, petit placard à balai. Voilà. Entre nous, petite soirée. Et toi, t'es d'où, Marine? Moi, je suis de Toulouse, mais je viens à Montpellier. Ah, ok. Tu fais quoi, Montpellier? T'es étudiante ou tu travailles? Oui, je suis étudiante en lettres. En lettres? Ah, ouais. Oui. T'es où? T'as eu une chambre d'étudiante? T'es dans un truc? Non, j'ai mon propre appartement. Oh, c'est bon. C'est bien bon. Ouais. On est donc. Et alors, l'appartement, il est comment? Il est propre? Bah oui, il est propre, je suis une fille quand même. Bah, attends, il y a des ficelles, attention. Ouais. Tu fais le ménage toi-même et tout? Genre, tu t'arrives à le faire souvent? Ah, bah oui, ça va, oui. Bah, la fac, c'est cool. Ah, ouais. Et ça c'est le ménage, c'est ça c'est vraiment relou. Hein. Ouais. Moi j'attendais qu'il y ait des vrais blocs de moutons sur mon lit. Ah ouais, hein. On est pareil. Ah ouais. Et parfois je passais carrément la main. C'est la chose. Ça m'est jamais arrivé d'attraper des moutons de poussière à la main. Ah ouais. Des foutre dans la corbeille de la chambre. Ah ouais. Ah ouais, j'en avais marre. Ah la poussière. C'est relou. Ça sert mais maintenant je m'organise un petit peu mieux, mais j'ai une période vraiment qui était comme ça, c'était abusé. C'était vraiment. Il faut l'aspirateur et tout. Ah ouais. Voilà. Et donc, de quoi? Toi tu passes jamais l'aspirateur? Ah mais il est cassé le mien en plus, mon aspirateur, je l'ai cassé. C'est vrai? J'ai mis du scotch, mais il fait que de s'ouvrir, donc c'est la merde. Et là, tu fais comment du coup? Bah je le rafistole à la main, chaque fois je mets 4 heures à faire l'aspirateur. C'est vrai, il se débranche en plus. Un autre, faut que j'investisse. Ils ont pas tort. Mais c'est pas un investissement. Ouais. Non, mais j'ai acheté 29 euros mon aspirateur. Ah bon, j'ai acheté où ça? Ah mais quel radin. Je l'ai acheté où? Je l'ai acheté dans un truc de bureau. Ah bah, parce que moi j'en cherche. Ah oui. Bruno, ça s'appelle Bruno. Je cherche aspirateur moi. Il y a des trucs de bureau, mais t'en as 29 euros, t'en as plein des petits aspirateurs. C'est moins cher. Bah bien sûr. Non, mais après je prends quand même un truc qui aspire un peu. Ouais, sinon c'est relou. Ah c'est chiant. Et attends, c'est vrai, pour de vrai, ton aspirateur, c'est toi qui. Ah, il est cassé. Bah, si, je le passe, mais ça prend du temps, du coup. Ouais. Mais bon. Mais. Le mec, il t'a fait galérer. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Bon, en tout cas, Guillaume et FIFA, et votre numéro, ma Marine, je t'envoie ça demain matin, FIFA 17, d'accord? Merci beaucoup. Mais tu joues aussi pour faire un cadeau à ton mec? Ah non, je suis pas de mec déjà de 1 et de 2, je joue, oui. C'est vrai, t'as la PS4? T'aimes le foot? Ah oui, non, mais je joue, oui, parce que je suis pas une geek, mais j'aime le sport, alors du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter, alors au lieu d'attendre Noël. Ah, c'est vrai, bah t'as raison. Ouais. Et, bah, bah, et t'as vu que ça marche pour de vrai, hein, c'est ouf. Hein. Bien joué. Ah, bah, ouais, bah, je vous écoute tous les soirs. Hein. C'est vrai, et t'étais jamais passé? Non, j'étais jamais passé. Oh, mais... C'est du dépucelage en série. Ouais. Je vous rappelle que j'ai des alertes CSA si je suis un petit peu vulgaire. Ah. Une alerte CSA, oui, je déclenche. Alors attention, elle est prête à partir, l'alerte CSA au cas où. Je te fais un gros bisou, Marine, en tout cas. Merci beaucoup. Bisous. Aussi. Ouais, bougez pas. Juste 30 secondes de pub, on fait le jeu avec la roulette russe et le double hit qui arrive juste après ça. Tous les matins sur Énergie, à 7h05 et 8h05, Manu double votre salaire. Allô Stéphanie? Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu, c'est Énergie. Oui. 1500 euros, c'est ton salaire. Je vais le doubler, ça va faire 3000 euros pour toi. Oh là là là là, je vous écoute tous les matins. Là, là, je suis trop heureuse. Oh, je suis trop contente. Retrouvez le règlement et inscrivez-vous dès maintenant sur énergie.fr. Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9. Forfait mobile, 2 euros de free. C'est 2 heures d'appel. Les SMS et MMS illimités. 50 mégaoctets d'internet en 4G. Le tout sans engagement. Et même 0 euros par mois si vous êtes abonné Freebox. Difficile de faire moins cher. Merci Free. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Kit main libre recommandé, alors mets-le. Assume ton kit main libre. Gagnez avec énergie des box all inclusive Société Générale avec des iPads, des MacBook Pro, des séjours, du cash. Vous êtes étudiant ou apprenti? Alors rendez-vous sur boxallinclusive.energie. Écoutez Koï de 19h à 22h sur Énergie. Une box Société Générale d'une valeur maximale de 16 000 euros à gagner par tirage au sort chaque semaine jusqu'au 18 octobre. Énergie, hit music only. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc. En ce moment, c'est l'opération super pouvoir d'achat avec les plus belles offres promotionnelles de tous les temps. Des réductions, du gratuit, du ticket Leclerc sur des centaines de produits. Le meilleur de toutes les plus belles promos Leclerc est là, réunis en même temps dans tous les rayons de tous les magasins Leclerc. Ah oui, quand même. Du 20 septembre au 29 octobre, les plus belles promos Leclerc sont toutes réunies chez Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. À l'attaque ! Et vive les super pouvoirs d'achat ! Va, mon héros, va chez Leclerc. Après la fête, au cœur de la nuit, un super-héros sauve des vies. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Mais ce héros n'a pas la grosse tête. Quoique, il pourrait. Parce que quand même, jusqu'au 16 octobre, Sam peut vous faire gagner des places VIP avec deux de vos potes au Energy Music Awards. Alors à vous de jouer. Jeux et règlements sur la page Facebook de Sam, le conducteur désigné. Nouvelle saison, nouveaux horaires. J'ai de la couille, j'ai de la bite, j'ai tout ce que tu veux. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez à l'antenne. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai un stagiaire, je cherche un inspirateur pour se faire un... Merci. Non, non, non. Allez, voilà, on vous file les FIFA 17. Il y, y a le double hit qui arrive hein, juste après. C'est vraiment très très exceptionnel ce soir, puisque iPhone 7 plus iPad Air 2 pour la même personne. C'est-à-dire que c'est vraiment très rare que ça arrive, deux gros cadeaux. D'habitude, c'est un gros cadeau et un petit. Ah bah là Un iPhone 7 et un jeu. Ouais. Un iPhone 9 et un jeu. Voilà, c'est, des, c'est un gros, très beau cadeau et un petit. Et là, c'est deux gros cadeaux. Est-ce que l'iPad Air 2 il coûte je sais plus combien. Cher. L'iPhone 7 aussi. Ouais, très cher. Voilà, donc c'est rare qu'il y ait deux gros à côté, quoi. Parents qui s'engueulent dans la chambre d'à côté, vous me remontez le moral, je vous adore. Putain, ça c'est relou ça. Ouais, bon courage. Ah, moi, ça me pétrifie, les parents qui s'engueulent. Je suis obligé d'écouter aux portes et tout pour voir ce qui se dit. Ouais, ouais, non, t'entends crier, tu sais pas ce qui se passe et tout, c'est pas agréable, quoi. Moi, je travaille en cuisine et si vous saviez tout ce qu'on fait, je crois que vous n'iriez plus jamais au restaurant. Ouais, oula, ça veut dire quoi? Il y a des. Ah, poto, laisse-moi ton numéro. Ouais, on veut savoir. Laisse-moi ton numéro. J'ai envie de savoir. Guillaume et votre message au 612. Est-ce que vous êtes restaurateur et tout là? Avec plaisir. Il y a Guigui de la régie. Bonsoir, ouais. Guigui de la régie. Coucou. Ça va bien, ouais? Ouais, ça va nickel. Ça va, t'as deux sons à nous faire écouter. Il trouve des sons sur internet ou à la télé, Guigui de la régie. C'est ça. Et juste après, on fait le défi Mafia 3 ce soir. On va se faire un défi en rapport avec la mafia que vous nous avez proposé sur Twitter. Ce soir, c'est de prendre la roulette russe, un pistolet qui tire des petites fléchettes. Ouais. Enfin, qui tire des petites bombe aiguilles. Ouais. Et on a accroché une bombe à eau devant. Oh là là. Et donc, c'est-à-dire qu'on va le mettre au-dessus de notre tête et on va chacun faire tourner le c'est barillet dans deux minutes. Alors, on y va. C'est parti, Guigui de la régie. Ouais. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui là? Bah, du coup, je vais vous parler du didgeridoo. Donc, ouais, c'est un vieil instrument. Je sais pas si vous connaissez un minimum. Le didgeridoo, c'est un. Alors, attends, on va voir. Moi, je connais bien sûr. Attends, j'ai un stagiaire. Non, je connais pas, désolé. Non, c'est vrai? Didgeridoo? Non, ouais, c'est vrai que c'était un nom d'un DJ, moi. Je connaissais pas il y a deux jours et je crois que c'est JM où j'en avais vu une vidéo ensemble. Et non, c'est moi. Ah oui, oui, c'est toi. JM, c'est ça. Je sais ce que c'est. C'est ce que c'est, Faux des cadeaux. Oui, je sais ce que c'est. C'est ce que c'est, qu'est-ce que c'est, Faux des cadeaux, JM Sandra. C'est un instrument de musique, un gros truc blanc là, dans lequel il souffle et ça fait. Voilà, en fait, c'est un bout de bois, quoi. Ouais, voilà. Ah, c'est comme une grosse pipe, en fait. Non, pas du tout. C'est un truc qui fait un mètre. J'en ai déjà fait, moi, j'avais mon beau-frère quand on avait un. C'est un truc australien. Bon, ça sert pas grand chose. Tu fais pas grand chose, ça fait juste une vibration, quoi. C'est plus un élément de déco chez soi. qu'un truc quoi. Mais bon, il y a plein d'araignées qui se mettent dedans là. Il y en a qui même se confondent bien, ça fait qu'un son, non? Bah non, ouais. Mais il y en a qui arrivent à faire du beatbox avec, qui arrivent à faire des doubles sons. Ah, c'est super du beatbox. Bah non, mais il y en a qui arrivent. Ah ouais. D'accord, donc qu'est-ce que t'as alors? Et du coup, j'ai coupé un court extrait d'un mec qui fait du didgeridoo juste pour qu'on se rende compte du truc, quoi. Ouais, alors ouais. C'est super. Donc ça, c'est didgeridoo. C'est génial. Et en gros, aux États-Unis, il y a un mec qui est basketteur et qui fait partie de la NBA. Et en gros, il a fait une conférence de presse où justement, bah, sa voix a fait vraiment penser à du didgeridoo. It's very hard. You know, 13 years in, you never want to go to a team that's starting to be better than process. Bah, c'est énorme, ça. Ah ouais, mais c'est un Renoir, non? Ouais, c'est ça. Il a une énorme voix. Mais il parle comme ça. Ouais, c'est nature. Et il est pas malade, on pourrait croire qu'il a eu un truc et tout. Non, pas du tout. C'est sa voix, il est tellement costaud que ça fait ça. Dans la ligne verte, on dirait la même voix. Il y a quoi d'autre? Et du coup, après, c'est en Italie. En gros, il y a un mec qui s'appelle Mantas Concas. Et en gros, lui, il a gagné le incroyable talent italien. Et justement, pour fêter ça, il a été dans la rue pour faire une vidéo et pour montrer son talent. Et ce qu'il sait faire, c'est du beatbox avec son harmonica. Ah, le bâtard, c'est beau ça! C'est ouf, hein! Putain, c'est stylé, hein! Ouais! Ça fait bouger la tête et tout. Ouais. Ouais, franchement, bravo. Il a très très beau son. Hein, ce soir, c'était bref mais intense. Non, il a deux bons sons, mais ils sont bien. Voilà, c'est ça. Il faut mieux avec deux bons sons que 10 mauvais. Ah, c'est sûr. Et non, c'est vrai. Il y a eu Aish Lemsi qui a sorti un truc aujourd'hui, non? Ouais, c'est ça. T'as dû chauffer sur le mauvais tempo, toute ton équipe est au star. Y'a que toi qui tombe pas, j'ai les poings serrés, leader Farhad derrière. Il a pas sorti Jules de morceau aujourd'hui. Non, c'est fini, c'est un homme gratuit. Ah. Le prochain, il sort en décembre. Ah. Et alors, il était bien l'album gratuit ou pas, j'ai senti. Bah, il y a eu deux gros trucs, deux gros titres, mais sinon, j'ai pas trouvé ouf. Ouais. Kid Cudi, c'est toutes les nouveautés aujourd'hui, là. Kalash. C'est pas mal, ça. La vérité, je n'ai jamais menti. Je n'ai plus vrai que l'effet divin du France antique. Ma voix est pure, c'est vrai, rien a été coupé. Quand la vie était dure, mes négros se sont groupés. Des soirées et des drive-by, des pleurs dans mon joint. Le sang est rouge sur les joues de nos poupées. Le Père Noël chez nous n'en a jamais été. Ah, j'aime bien ça. Ouais, ça change un peu. Mais ça change un peu de rythme et tout, ça fait un peu reggae. Ouais. C'est le genre de connard en voiture, j'aime bien. Sans les sacs à dé- Il y a Caris qui a sorti un truc. Je plane comme l'avion de Pablo. Je plane comme l'avion de Pablo. Il y a Collectif Métissé. Alors on passe de. Là on passe du coup à l'aide. Mais c'était Willy William qui était dans le. Ouais. Il y est toujours ou pas Willy William? Bah non. Je crois pas, il a un solo maintenant. Il a une carrière solo maintenant. Ouais. Et moi je sortais chacun d'avance. Bah peut-être, hein, regarde, il marche bien, hein, Willy William. J'ai hâte de voir l'autre là, avec le t-shirt Superman sans personne. Ah ouais, le bon. Ah putain. Son Mariba, il s'appelle. J'ai hâte d'entendre son single. Super de la foi, je suis le chasseur de la proie. Ouais, ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. C'est super, ça fait du bien de vous entendre. Je suis serveur dans un petit complexe sportif, des clients désagréables, c'est partout, je crois. Moi, je me regarde super souvent, Marie Labouré, je me tape toujours des barres, vous êtes vraiment les meilleurs, les gars. Merci, mon Valentin du 6-9. Merci, ouais. Salut, mec. On a une chaîne YouTube, on est 1,5 million d'abonnés. Si vous voulez venir nous retrouver, c'est Guillaume Play, P-L-E-Y, on se retrouve dessus. On s'est fait booster, on sera Shawn Mendes après, Ken Jones, c'est ce qui défonce. C'est celui-là, là, Ken Jones. On se fait tous les gros hits, de toute façon, voilà. C'est celui-là, oui, c'est celui où il fait. On va parler des choses qu'on cache en couple aussi dans deux minutes. Guillaume et votre message au 612. Bonsoir, moi je suis cuisinier au chaud et je peux te dire que je fais que du frais. La viande et les légumes sont du matin pour le soir. Ah, c'est bien ça, bravo. C'est rassurant. Moi au resto, j'ai vomi les pâtes carbo sur mon ex-belle-mère qui mangeait en face de moi. Et tout. La violence. Bon, en tout cas, on y va, c'est parti, c'est le défi. Oh là là. On a des musiques de mafieux, JM du standard ouais, ou pas là ouais, on a plein. Et sont ouais. où les musiques de mafieux là Attends, peut-être Guigui Laragi, ouais. tu peux peut-être ouais. venir me dire, puisque c'est toi qui les ranges, puisque t'es là. À son mafia, voilà, best of 3. Je vais mettre une musique de mafieux. Je vais demander à toute l'équipe de venir dans le studio. Oh, là, ça y est. Si vous voulez bien, Julia, Flo des cadeaux, si vous voulez bien venir. On va faire maintenant un truc qui est très simple. C'est un défi que vous m'avez proposé en rapport avec la sortie du jeu Mafia 3. Le principe est simple. Attends, savez pas c'est mafieux cette musique. Attends, j'aurais une musique de mafieux. Ah, c'est un peu les vacances, hein, là. Ça, ouais, ça fait. Non, c'est pas mafieux non plus. Non. Hein. Attends, il me faut plus. Plus mafieux. Non. La musique du parrain, pire. Non, c'est pas c'est mafieux non plus. Ouais. Non plus. Attends, non. Ah. Ah. Non, c'est pas c'est mafieux. Non. Non, ça c'est musique de Counter-Strike. Attends, ça. Non. Non, c'est pas assez mafieux. Moi, il me faudra un truc plus. Je sais pas, plus. Attends, non. Y'a pas un truc. Attends, plus comme ça. Voilà, plus comme ça. Alors, et mon chat, elle est dégoûtée, Julia. Elle a la tête de la meuf qui est dégoûtée. Tu t'étais lissé les cheveux. Un peu, bah oui, tu les. T'as un t-shirt de rechange, Julia, ou pas, non? Non, bah. C'est vrai. En plus, c'est la jupe en cuir. Ouais, ouais. Elle est en mode chagasse. Alors, attention, il est 23h03, ils vont chacun à leur tour. JM du standard dans un premier temps. JM, Flo des cadeaux de l'autre. Ah, je suis le dernier. Julia ensuite, j'ai un stagiaire. Ouais. Si jamais ça arrive à GSH, ça n'a pas pété, c'est arrivé qu'on en fasse 10, hein, souvent. On recommencera à JM du standard. Non, je peux pas jouer aujourd'hui, j'anime. En plus, dès qu'on le fait hors antenne, je le fais, mais là, c'est compliqué. Oh là là, j'ai avec la table et tout, c'est un peu relou. Juste, est-ce que vous pouvez enlever vos casques, les garçons, s'il vous plaît? Enfin, juste quand vous le faites, quoi. Voilà, vous pouvez le garder quand vous le faites pas, mais. Ah, c'est excitant, tu devrais peut-être enlever ton portable, JM du standard. Ouais, je vous explique. On a un pistolet à eau. Ouais, il est là. On n'a pas un pistolet à eau, je dis une connerie. On a un pistolet qui est accroché à une bombe à eau. En fait, il y a un barillet, un revolver. Donc, dans une des cartouches. En fait, il y a tout vide, sauf une. Une ouais. qui envoie une petite aiguille dedans. Tu vas l'armer, le pistolet. Ce qui est énorme. Il va tomber. C'est pour lui. JM du standard. Ça va être pour lui. Ce qui est magnifique, c'est que JM du standard, c'est toujours pour lui. Ah ouais. On n'est pas obligé de commencer par moi, Guillaume. On l'a fait au ski. Bah, ça commence par toi. Donc oui, on va le faire. Ça va pas de chichi quand même. Ça. On va faire une photo. Tiens, mets-le au-dessus de ta tête. Je vais vous mettre une photo. Je vais mettre une photo. Tiens, regarde là-bas. Je vais mettre une photo sur Facebook. Là. Voilà. Pour aller mater. Moi, je cache tout à ma meuf. On va parler des choses qu'on se cache dans le couple, justement en couple. Alors, vas-y. JM du standard, t'es prêt? Non, là, c'est quoi le son à moitié reggae? C'est Kalash, le mec qui s'appelle Traka. Enfin, c'est Kalash et le morceau, par exemple, Traka Teraka. Tous les jours, je pense à m'en aller. Je l'en mets là, j'ai dit la vérité, je n'ai jamais menti. Pas mal ce morceau, non? Ouais. Que les fêtes d'hiver du France antique. Ma voix est pure, c'est vrai, rien a été coupé. Que la vie était dure, mes négros se sont groupés. Les soirées et des. Il est énorme ce morceau. Alors vas-y, on y va. C'est parti, JM du standard. Attention, on y va. 3, vas-y, on tu t'attends. Attention dans le studio. Allez, tu l'as armé ou pas? Tu l'as pas armé déjà? Voilà. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Tu vas à 3, allez. 2, allez pour toi. 1, vas-y. Allez non. T'appuies pas c'est appuie, appuie. Non, il a pas appuyé. Non, si. Si, il a appuyé. Ah, je crois non, que... non, ah, si, non. T'es pas appuyé assez fort. Non, refais-le. Refais. 3. Non, t'as pas appuyé. Ça va, c'est pour un jeu. Non, mais je l'ai pas entendu, on l'a entendu. Non, on l'a pas. 3, 2, 1. Yeah. What? Allez, c'est bon, c'est bon. Allez, fais les cadres, je t'en prie chez vous. Fais gaffe au portable, fais gaffe au portable. Vous avez préparé des trucs pour sécher le sol ou pas d'ailleurs? Ouais. Ça va être. Allez, wouh, vas-y. Allez, Flo des cadeaux. 3. Vas-y. 3, 2, 1. Ah alors, c'est sur Julia. Okay. Vas-y, Julia. Vas-y, okay, vas-y. Deux sur on y va, c'est parti. Allez. Je veux dire, attention. Allez, 3, 2, 1. Un stagiaire. Oh putain, non. Allez, vas-y. Attends, fais-lui. Vas-y. La gâchette, c'est bon. Vas-y. Mais t'as bien loin du truc, hein. Attention, tête. Attention, vas-y. 3. Sur la tête. Il y a du papier derrière. Ça va être pour moi, je l'ai dit en début d'émission. 3, je pas. 2, 1. Non. Allez, attends. C'est revenu. Ça n'a pas tiré. Alors attendez. Ah, j'ai eu trop peur. T'as joué ma vie, moi. Dans un plein jeu. Attends, est-ce que vous mettez bien l'aiguille aussi? C'est ça. Ah oui. Il faut savoir. Ah, c'est collé. Non, non, en fait, non, non, ça ne pouvait pas marcher. Il n'était pas fermé, là, vous voyez. Ah. En fait, l'aiguille, elle pouvait pas. Elle pouvait pas. Ah, si, attends, j'ai pas. Si, t'inquiète pas, c'est le ballon qui écarte. Mais non. Ah, non, regarde, ça peut pas. Parce que là, tu vois, l'aiguille, elle peut pas, elle est protégée par le truc. On pouvait le faire 100 fois. Non, attendez, j'ai mal au cœur là. Attends. En fait, je vous explique. C'est-à-dire que la personne qui a fait la bombe n'a pas bien mis la bombe à eau là dedans. Donc en fait, ça ne pouvait pas marcher. Voilà. Ah, alors, vous savez quoi? Attendez. Hey, oh, j'envoie Kate Jones. Il dure 3 minutes. Je prépare moi-même le pistolet parce qu'il avait mal fait. Et on va recommencer par JM du standard. Et ensuite, on va parler des choses qu'on cache en couple. John qui est allé chez sa meuf, qui est tombé sur quelque chose. On va parler des choses que vous avez cachées. Les choses les plus énormes que vous avez cachées en couple, on en parle. Genre, est-ce que vous êtes déjà allé dans une boîte échangiste avec des potes, vous l'avez jamais dit à votre meuf, des trucs comme ça. On en parle juste après sur Énergie. You know I love 'em. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her. But she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. Tout ce qui est bon va par deux. Les cerises, les Twix et Guillaume Radio 2.0. Pendant 2 heures, de 22h à minuit, du lundi au vendredi, sur Énergie. Allez, de retour en direct sur Énergie, 23h10, on continue. C'est moi qui vais le faire maintenant. Ah non, mais en fait, je vous explique, il y a un cache, il faut bien tenir la petite pièce métallique. C'est un pistolet, je rappelle quand même que nous avons ce soir dans le studio, qui tire des cartouches en fait, et des cartouches qui envoient une aiguille dans une bombe à eau. Le seul problème, c'est que il y avait Le seul problème, c'est que ça ne marchait pas puisque devant il y avait une espèce de capsule qui protégeait. Donc c'est pas possible. Alors, je vais m'approcher. Il y a une bombe à eau en fait reliée à ce pistolet devant. Et en fait, c'est une roulette russe de bombe à eau. Chacun leur tour. Ouais. Je vais appuyer vraiment sur les boutons. Je vous jure que c'est vrai. Je ne sais pas où est la cartouche. Il va perdre direct. On y va. Allez. C'est parti. Je vais mettre au-dessus des membres de mon équipe. C'est vous qui avez proposé sur Twitter, on appellera celui qui nous a proposé ce défi d'ailleurs. Pour lui offrir une PS4. Attention. JM du standard, est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Attention, 3. Il va recevoir. Allez. 1. Je ne sais pas. Je vous jure que je ne sais pas. Je vous jure que je ne sais pas. Attention, Flo des cadeaux. Ça va être sur moi, On dirait Godfrey de mon Mirail là. Ah ouais. Un coup de feu quoi. Attention, 3, 2, 1. Il y a un problème sur le truc. Attention. Oh non. 3. Allez. 2. Julien. 1. Non. Allez, non. c'est pas toi. Il y a un problème. Non, non, en plus, t'es là. Attends. En plus, vraiment, je vais faire comme ça. 3, 2, 1. Non Non, mais alors, je crois vraiment. Oh putain, mais. Attends. Ah, c'est de la chance. C'est... Ah ouais, je pense que. Non, retire pas. C'est moi le prochain Guillaume. Bah ouais, non, je. Non, je pense qu'il y a un problème. Elle est bloquée. Non, je pense qu'il y a un problème. Non, on réessaye. Tout, c'est normal. Non, mais non, bah alors, viens essayer. Vas-y. Mais non, ça joue. Ça va être pour moi. Allez. Non. Yes. Non, mais ça marche pas. On l'a fait 10 fois là. Il marche pas. Non, il marche pas. Comment ça se fait qu'il marche pas? Attends, passe-moi un vrai pistolet. Oh non, il y en a un deuxième. Oh merde. Il est déjà armé. Oh là là. Attends, mais pourquoi il marche pas? On me donne des accessoires et vous voulez que je. Non, ah ouais. Ah si, putain, pourtant il marche. T'as vu? Ah ouais, alors. Mais non, c'est, bon. C'est du hasard. Ça. Non, c'est pas ça. Non, attendez. En fait, non, mais c'est de la merde un peu. C'est des jouets, hein. Voilà, on va pas se mentir. Hein. C'est sont pas un vrai pistolet de flic hein, qu'on a là. Ouais, très bien. Alors, est-ce que ça fonctionne ou pas? Ça fonctionne pas non plus, celui-là. Hein. Bah, je crois pas. Ouais, tant pis. On va pas le faire toute la nuit non plus. Mais bon, j'aurais bien voulu qu'il y en ait un qui. Soit mouillé, ouais. Non, mais que ça marche, quoi. Là, toi, qu'on fasse le vrai défi, quoi. Bon, alors, on va recommencer. Voilà, je vous le dis, je le tourne, je ne regarde pas. Ah, ça fait flipper. Attendez, mettez-vous là. En plus, là, ça dure longtemps là. Ah ouais, c'est relou là. Putain, pour les nerfs et tout, c'est moyen. Ah ouais, non, on est d'accord. Attention. T'es prêt ou pas? J'aime le temps. Je suis prêt, Guillaume. Allez, hop là. J'espère c'est sur lui. Je prie le dieu de la roulette russe, s'il vous plaît, le dieu. Ouais! Non. Allez, viens. Allez. Yes! Non, vas-y, c'est bon. Putain. C'est dingue. Attends, je vais tourner à chaque fois, hein. Vraiment, je triche pas. Non, mais je suis désolé. Elle est arrosée. Attends, j'ai fait tourner à chaque fois un tour, j'ai fait pareil pour tout le monde. Attends, hey. Si j'avais voulu tricher, ce serait pas tombé sur toi, j'aurais fait sur Flo ou sur un mec. Ah, c'est génial. Ah non. Il est trempé le sur. Oh là là. Vas-y, faut attraper des trucs pour sécher. Ouais, je suis désolé, Julia. Faut une serviette. J'ai perdu, c'est le hasard. Il y a des serpillères. Putain, mais alors, il y a l'ordinateur de JM qui est mouillé. Oh, le cahier. Je sais pas si ça s'est entendu, les mecs, là, qui est tombé, mais. On avait un défi mafieux à faire, là. Bonsoir, les gars. C'est quoi le numéro pour le doublé? Ça arrive dans 2 minutes, les frérots. Je vous les file, hein, vraiment. Attends, t'as une serviette ou pas, Julia? Faut que tu changes. Elle était froide, l'eau en plus, non? Ouais, glacée. Attends, on va passer un coup de balai direct et tout pour. Ah ouais, je me décale, Guillaume, moi je suis trop. Ouais, putain, il y en a partout. Faites gaffe, ça glisse par terre. J'ai un stagiaire, un mauvais joueur. Ah ouais, parce qu'il est content que ça soit les autres. Tout le monde était content. Vous avez tout le monde, est content. Non, en fait, c'est surtout que t'es content quand c'est pas toi. Ouais. Mais c'est vrai que Julien, c'est-à-dire, en plus d'être content quand c'est pas lui, il est content quand c'est pas les autres. En plus, Julien, c'est la nouvelle, c'est pour ça. C'est moi, je cache tout à ma meuf, elle ne veut jamais que je fasse quoi que ce soit. Surtout les trucs avec les jeux télé ou quoi, elle déteste. Je suis obligé de participer à des jeux télé en cachette. Bah, c'est nul ça. Bah, il doit bien te voir à la télé ou des potes et tout là. On va parler des choses. Est-ce que vous avez déjà caché des trucs énormes en couple? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? On va en parler. Il y a Missy qui vient d'appeler au standard. Bonsoir Missy, ça c'était pour parler des pires restaurants. Puis ensuite on va parler des choses qu'on cache en couple. Il y a eu plein d'appels. Ouais, c'était ça. Ah, bonsoir. Et ensuite j'ai filé des cadeaux. Salut. Ça va Missy? Ça va. En direct de la Marne, enchanté Missy. Salut. Bienvenue. Missy qui est actrice porno qui était déjà passée, non? Oui, c'est ça, oui. Eh bah oui, comment ça va Missy? Eh ben super là, grosse préparation de des salons, etc. et tout, les tournages et tout, plein de choses. Des salons de quoi? Salon d'érotisme. D'accord, et tu fais quoi là-bas genre? Ah bah moi je fais du théâtre porno. Du théâtre porno, c'est quoi? T'es actrice? Eh ben en fait, à ton avis, on fait des scènes porno en live, autant en lesbien qu'en hétéro, devant tout le monde. C'est vrai, putain c'est ouf. Avec beaucoup de textes. C'est là, ça. Attends, mais comment ça se passe ça? Genre, toi t'arrives à être excitée ou tu fais genre semblant? Bah écoute, je fais ça avec des personnes qui sont pas mal. Donc ouais, on s'amuse bien et ouais. Ah, c'est vrai, parce qu'il y a du monde en plus. Moi je trouve toujours mon compte dedans. Et genre, donc t'as pas besoin de lubrifiant tout ça? Bah ça dépend, enfin quand on fait passer des. Parce qu'on a aussi des jouets, hein, tu sais, dans le lesbien, on fait passer des mains fisteuses, etc. Ouais, des mains fisteuses. Ça, c'est gros, ça. Des mains fisteuses. Putain, c'est magnifique. Ah ouais. Putain, c'est rigolo un peu ce genre de délire. J'espère revoir la rediff de la roulette russe sur YouTube. On la met sur notre chaîne YouTube demain. Guillaume Play, PLEY dessus. On est à 1 500 000, là, ouais, ça y est. Merci beaucoup. On est en route vers les 2 millions, c'est trop plaisir. Et donc, toi, alors, Missy, qu'est-ce qui t'est arrivé, là, le pire truc au restaurant, là, on en parlait? Bah écoute, là, le jour de l'an a très très bien commencé pour moi, en fait. On était partis manger dans un casino. Et j'avais commandé un hamburger, mais hamburger maison. La première fois qu'on me l'apporte, la viande avait été cuite à la friteuse, donc c'était hyper dégueulasse. Donc j'ai fait renvoyer le plat. Ouais. Sauf que quand le plat est revenu, quand j'ai mordu dedans, il y avait des bouts de verre pointus dedans. Ah ouais, d'accord. Ah sympa. Ouais. Des petites surprises. Ouais, ça c'est un peu dangereux par contre. Moi ça m'est déjà arrivé, mais pas des bouts de verre. Mais ça moi je demanderais de me faire rembourser. Ah bah oui, il faut un geste après. Après ça peut arriver même un bout de coquille de d'œuf ou quoi, tu demandes à te faire offrir le plein. Dans l'omelette. En fait, faut pas hésiter ça. Ouais. Bah, oui. Je crois que le truc que je lui ai caché où je me suis fait détruire le plus, c'est un vol en apesanteur à tester même sans l'accord de ta meuf. Salut Mike. Salut. Putain, c'est marrant. J'ai un stagiaire, il sert de tampon avec sa Mimi. Salut. N'importe quoi. Salut Mika. Mustapha Dunessel, t'es le meilleur gros. Demain petite pizza de Nicolas, je te kiffe au passage. Salut les man. Salut. On va parler des choses justement qu'on a déjà menti. Est-ce que t'as déjà caché un truc énorme en couple, toi, Missy? Moi, non. Quand j'entends parler en fait des gens qui vont en club libertin ou quoi que ce soit, qui cachent ça à leur nana ou à leur mec, ouais. Je trouve ça totalement débile parce que pour moi la conception de libertinage, c'est partager quelque chose en couple en fait. Tu sors, on peut faire des choses chacun de son côté et tout, mais c'est pour pimenter ta vie sexuelle. Donc en fait, c'est plus excitant de le raconter à son mec. Enfin, ne serait-ce que là, tu vois, ce soir, il m'arrive encore un truc de malade. Et là, je vais rentrer chez moi pour le raconter à mon mec et ça va être trop marrant en fait. Putain, c'est énorme. Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé Là, en fait, je fais un peu de route entre deux villes et à chaque fois, je m'arrête toujours à la même station. Et le mec était, je trouvais super mignon, le mec de la station, je trouvais super mignon et tout, mais un peu timide. J'ai commencé un petit peu à lui faire un peu de rentre-dedans, etc., discuter un petit peu. Et là, ce soir, il a couru jusqu'à ma voiture et il m'a donné son numéro de téléphone. Ça, c'est énorme. Et là, c'est vas-y, la prochaine fois, je travaille du matin et tout, viens, on va aller boire un café, etc. Ah ouais, mais tu vas aller boire un café, mais tu vas pas coucher avec lui dans la station essence, si? Bah après, je peux m'amuser. Tu sais, c'est pas la première fois que je m'amuse comme ça, en fait, tu sais. La dernière fois, on est parti en couple, on est parti en vacances, en week-end. On est rentré de soirée, le veilleur de nuit de l'hôtel était super marrant et tout. Et mon mec me dit, oh, écoute, le mec, il en kiffe sur toi. Je suis, oh, mais arrête, tu déconnes. Et en fin de compte, j'ai trouvé l'excuse de descendre comme quoi quelqu'un, enfin, de redescendre à la réception pour lui dire que ma bouteille d'eau avait déjà été utilisée, alors je n'avais pas bu dedans. Et on a commencé à discuter un petit peu au bar, etc. et tout, et ça a fini dans la lingerie. Il t'a niqué direct avec lui, normal. Bah, je me suis éclatée avec lui et je me suis éclatée la deuxième nuit en fait. Parce que, quoi. Attends, mais je comprends pas. Et ton mec, il était où? Il est resté dans la chambre? Il était dans la chambre et après, je lui ai dit, genre, mais j'ai même pris des photos pendant qu'on faisait ça et tout. Et en fait, je lui ai envoyé et tout. Et en fait, c'est super excitant en fait. On pimente notre vie de couple comme ça, quoi. C'est marrant. Putain, c'est énorme. Ouais, il est d'accord pour ça. Ça, c'est dingue. Et t'es arrivé, c'est hallucinant. Jim Sanda. Ouais, mais c'est pas toi que j'ai vu sur Jackie et Michel ou pas, mais c'est Charme. Ah mais tu me vois partout. Ah, ah, oui. Ah, tu l'as vu sur Jackie Michel. Ouais. Ah, toi aussi je sais dire. Ouais, je l'ai vu. Ah ouais. Une scène lesbienne. Non, c'est vrai. Faut regarder. Ah, j'ai vu le. Parce que pour vous expliquer, Missy, ça fait 5-6 fois qu'elle appelle, donc grave. On commence à se connaître. Depuis longtemps. Elle commence un petit peu à la reconnaître, etc. Et voilà, c'est Missy Charme en pseudo. Ouais, c'est marrant. Dans quelques temps, surveillez Canal Plus. Sur quoi? Oh, Canal. Dans quelques temps, surveillez Canal Plus. Ah, c'est la consécration. Pourquoi? Pour un film. Ouais. Elle sort dans un film de cul, d'accord. Ah ouais. Le Dorsal. D'ailleurs, tu sais, ma partenaire dans les salons, en fait, ma partenaire en lesbien, c'est la nouvelle égérie de Dorsal. D'accord. Ah, elle est belle alors. Très bien. Voilà. Eh ben, c'est super bien. Voilà. Ouais, ouais. On est content. Tu t'es fait complètement démonter dans un film et tout. C'est non. Et Jackie Michel, ça sert à quoi pour toi? C'est pour l'exposition, genre? Y a pas d'argent. Moi, je m'éclate quand on m'appelle pour les tournages et tout. Bon, en même temps, les personnes avec qui je tourne et les prods, enfin, les réalisateurs pour Jackie Michel, pour ceux pour qui je tourne, c'est des potes, en fait. J'ai commencé avec eux en tant qu'acteur. Maintenant, ils sont réalisateurs là-bas. On se rend des services, quoi. On se refile des filles, etc. On se conseille et tout. Enfin, voilà, quoi. On se refile des filles. Ah ouais, c'est fixe. C'est de la marchandise. Ah, c'est rigolo. Hein. Et toi, t'arrives à être avec un mec et à lui dire, tiens, je vais me faire péter en bas et je reviens, quoi. C'est marrant, ça, quand même. Bah, écoute, lui, il fait pareil de son côté, mais ça fait 16 ans que ça dure. Combien? 16. Ça fait 16 ans. Oh là là, c'est ouf. Ah ouais, donc attends, t'es avec lui depuis que t'as 16 ans. Bah, On s'est connus au lycée, en fait. Ouais, t'en as 32. C'est ouf. Bah, ça dure, ouais, enfin. Ça fait 16 ans. Putain, on a grandi ensemble. Et puis, j'ai toujours eu mon côté exhibe, libertin. Salope, un peu. Ouais. Non, mais t'as un petit côté salope coquine, quoi. C'est ça, ouais. T'aimes ça. Vraiment ça. Ouais, c'est dans le bon sens du terme, moi, je dis. Il va kiffer, ton mec. C'est vachement bien, quoi. Et c'est trop fort, quoi. Et ton mec, il est content de cette vie-là? Ouais, ça lui plaît, s'il accepte. Je pense que si justement il avait pas une nana comme moi, il serait chier. Ah ouais. Mais ça t'arrive de faire des plans à 3 avec lui, tout ça? Ah bien sûr, un plan à 3, 4, même à plus, en fait. Ah c'est ça, vous niquez partout. C'est quoi le maximum? Ah, c'est dingue. Ah ouais. C'est énorme. Avec ton mec? Moi, avec mon mec, le maximum, je crois qu'il y avait 5 mecs en tout. Ah ouais. C'est pas de meuf. 5 mecs juste sur toi? Oui, avec moi, ouais. Ah ouais, c'est qui a claqué des dents là? Il y a un mec qui a claqué des dents, c'est toi, j'essaie de dire. C'est un squelette, je sais pas. Non, j'ai pas fait exprès. Il a claqué des dents, mais tellement fort. Ah, pardon, j'ai pas fait exprès. Attends, c'est fou. Et 5 mecs sur toi, et ça doit être dur à vivre quand même. Bah, t'as l'impression de te faire un peu. Ouais, mais bon. En plus, je sais pas, il y a 3 trous, quoi. Merci, j'ai besoin d'un. Non, mais c'est vrai. Les doubles, c'est juste deux d'un coup, ça t'arrive ici? T'arrives à mettre deux bines dans ta bouche? Oui, bien sûr. Ouais. On va pas être trop fort, c'est un peu de galère. On va se prendre des RC, ça. Allez, on se fait. Allez, double hit, carré, vous bougez pas 30 secondes. On retrouve Missy Charm après, on parle des plus gros trucs que vous avez cachés en couple. Guillaume, et votre message aussi 612, on en parle. Et le double hit, je vous offre des iPhone 7 et des iPad Air demain dans Sur Énergie. Un pour tous. Sur scène, ils mettent le feu. Très très beau spectacle. C'est génial, j'ai jamais vu ça. Tous pour un. Les trois mousquetaires. L'expérience musicale la plus spectaculaire de l'année. Olivier Dion, Brahim Zaibat, David Bann et Damien Sargue vous donnent rendez-vous en ce moment au Palais des Sports de Paris avec Énergie. It's music only. Leclerc. En ce moment chez Leclerc avec les super pouvoirs d'achat, un pack de lessive d'âge 2 en impair, l'acheter un pack offert. C'est pas bon ça? C'est super, tu veux dire? Eh oui, en ce moment le meilleur de toutes les plus belles promos Leclerc est chez Leclerc. Du 4 au 8 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Pour l'achat d'un pack de lessive d'âge 2 en impair, 30 lavages variété au choix, le deuxième est offert. Voir conditions dans les magasins participants, produits irritants et dangereux, respectez les précautions d'emploi. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Le 19 octobre, retrouvez Énergie au Parc Astérix. Gagnez des places pour assister à l'émission de Manu dans le 6-9 en direct du Parc Astérix avec Énergie. Salut, c'est Manu de Manu dans le 6-9. Écoutez Manu de 6h à 9h30 sur Énergie. Chaque matin, Manu vous offre des places pour vivre l'expérience inoubliable de Peur sur le Parc le 19 octobre. Énergie, it's music only. Après la fête, au cœur de la nuit, un super-héros sauve des vies. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Mais ce héros n'a pas la grosse tête. Quoique, il pourrait, parce que quand même, jusqu'au 16 octobre, Sam peut vous faire gagner des places VIP avec deux de vos potes au Energy Music Awards. Alors à vous de jouer. Jeu et règlement sur la page Facebook de Sam, le conducteur désigné. Music only. Feel it tonight. Tout ce qui est bon va par deux. Les cerises, les Twix et Guillaume Radio 2.0. Pendant 2 heures, de 22h à minuit. Du lundi au vendredi sur Énergie. Allez, en direct de retour là sur Énergie, les 23h27. Hein, Joule. Je veux mon bisou. Je te veux inviter à moi. Tu peux me laisser ta choix. Je suis content, ça se voit. On va parler maintenant sur Énergie, là, comme promis, des choses qu'on se cache en couple. Alors, il y a Missy qui est avec nous, son pseudo, hein, Missy, qui est là. On va retrouver John juste après. On va se raconter les faux trucs, les trucs énormes. Et juste avant, j'offre une PS4 plus Mafia 3 à celui qui nous a proposé sur Twitter de faire ce défi. Vous pouvez en proposer un hashtag Guillaume défie la mafia. Défi D-E-F-I-E. Guillaume défie la mafia. Allô. Jusqu'à la fin de la semaine. Bonsoir à toi, tu es normalement Hugo. C'est Hugo. C'est ton pseudo sur Twitter, Monsieur Chuck B. Bonsoir à toi, c'est Guillaume d'Energie, ça va bien? Salut tout le monde, ouais, super. Non, pas de soucis. Ça va, frérot. C'est toi qui m'as proposé le défi de mouiller avec une bombe à eau. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai écouté justement, et quand j'ai entendu le défi, je me suis dit que c'était moi du coup. Eh ben voilà, Julia ne te remercie pas. On s'excuse. C'est drôle. Voilà, vraiment. Là, c'était coup de bol, hein, tout à l'heure. Ouais. Elle est passée au travers. Et ça, t'es mouillé encore là? Oui, un petit peu, ouais. C'est vrai. Mascara qui coule et tout, mais bon. Ah, j'aime bien le mascara. Le mascara qui coule, c'est le truc le plus sexy du monde. T'avais pas eu JM Zanda, le mascara qui a coulé avec une vie, non? Ouais, il y a pas longtemps. C'est pas toi qui m'as raconté ça. Et pourquoi? Sous la douche. Ah ouais, mais c'est triché. Et là, c'était bien, ouais. C'était sympa, ouais. J'ai pensé à toi un peu. C'est triché, frère. Ah, mais. On est d'accord que c'est extraordinaire. Ah ouais, c'est très excitant, ouais. J'ai trompé ma copine avec sa meilleure amie pendant 2 ans. C'était une femme fontaine. Salut Marius. On va t'appeler Marius. En tout cas, félicitations, mon Hugo. Je t'envoie la PS4 là demain avec le jeu Mafia 3 qui sort le 7 octobre. Ok, frérot, bien joué. Bah, de rien, bravo à toi. C'est, bravo, t'as bien. Tu veux une petite dédicace? Bah, si, bien sûr, on est à la maison. Eh bah, écoute, dédicace à tous mes potes, ceux qui m'écoutent, ainsi m'écoutent, à ma petite copine. Ouais. Elle va peut-être m'écouter, j'espère. Elle était avec moi tout à l'heure. Et voilà, et à vous tous, merci, Géré. Eh bah, dédicace à tout le monde. Alors, merci beaucoup à toi pour le message et tout. C'est gentil, frérot. C'est cool. Je vais te filer Flo des cadeaux, tu lui files ton adresse, on te l'envoie demain matin. Ok, impec, pas de. Depuis quand tu connais mon émission, toi, Hugo, à peu près? Eh bah, écoute, depuis le début. C'est vrai? Ça va faire quoi? Ça fait 5-6 ans quand tu commences à en pâtisserie l'été. 2011. T'as quel âge, toi, Hugo? Moi, j'ai 21 ans. 21? Bah, vas-y, hein. Tu fais quoi dans la vie? Eh bah, je suis étudiant en école de commerce. D'accord, simplement. École de com. Vas-y, bon courage en école. C'est vrai, ça se passe bien. Tu vas faire quoi plus tard? Tu sais ou pas? Je sais pas trop pour l'instant. Là, c'est un peu le flou. Donc, bon, on fait un peu la voie royale et on verra ce qui se passe après. Ah, c'est vrai, tu sais pas encore. École de commerce? Non, tu peux tout faire. Non, mais c'est très large. Ouais, c'est ça, on peut tout faire. T'as le temps en plus, à 3 ans. Du coup, non, c'est 5 ans. 5 ans, 5 ans. Merde. Et parfois, il y a 2 ans de prépa plus 5 ans d'école. Donc, 7 ans, ça coûte cher. Ça coûte cher, ouais. C'est, ouais, c'est très cher. En plus, l'appartement, le si, le tchak, le chic, le tchak. Les soirées. T'es d'où, Hugo? De quelle ville, tu m'as dit? De Paris. De Paris. De quel arrondissement? 15e. Dans le 15? Où ça, la convention, tout ça? Ouais, c'est ça, pas très loin, vers Champ de Mars. Ah, ok, très bien. Ouais. Vers le 16, quoi. Vers le Eiffel, vers la Tour Eiffel. Ah oui, c'est vrai que la Tour Eiffel, le 16, 17, il y a tous les arrondissements. Il y a le 7e, je crois que c'est le 7e, 15e. Entre tous les arrondissements. Ouais, c'est 15, 7, c'est ça, pas le 1, mais le 15, 7 et. Et 16, ouais. Deux bombardiers russes ont été interceptés par l'armée de l'air au large de la Bretagne. Ouais, salut, Jimmy. En fait, on a arrêté, ils ont carrément forcé à se poser. Je crois, ouais. J'ai pas tout vu, mais j'ai vu la Bretagne. Ouais, je les ai vus au sol. Je crois qu'ils ont. Putain, ça l'a fait bizarre. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? C'est chelou. Hein. Bah, ils savent pas. Mais les Russes, ils enculent le monde de toute façon. Ah, ils sont si, en ouais, en même temps. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu crois qu'Hollande, il va dire on vous rend pas les bombardiers? Vladimir, il va envoyer un message, il va dire tu nous rends les bombardiers? Ils sont puissants, les Russes. Il va dire bon, bah d'accord, voilà. Je pense pas qu'on puisse garder, on va pas risquer une guerre contre la Russie pour 2 avions. On la gagne ou on la perd? On perd. Bah oui. Contre la Russie? Ouais. Si c'est que nous. Et enfin, pari en sport. Si c'est que nous, c'est même pas la question. France-Russie, ouais, non, mais nous, pas tout seul, non, dans ce cas c'est France-Amérique, mais là ça commence c'est France-Amérique, c'est les alliances. Bah, ça s'appelle une guerre mondiale après. C'est pas génial. Mais bon, non. Et ils ont arrêté effectivement. Salut Jimmy de Dieppe. Demain on aura un agent secret qui sera là. On aura c'est un agent beau. Secret qui a sorti un livre et apparemment on a reçu la documentation. Il a fait plein d'émissions apparemment. Ouais. Le grand journal, tout ça. Alors du coup on va faire des petits jeux avec lui. On va pas parler de trucs compliqués. On va lui demander si il a déjà utilisé des petits stylos caméra. Si James Bond existe un peu dans le même genre, quoi, voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a des lance-roquettes dans certaines voitures? Bah non. Ce genre de questions-là, c'est marrant, quoi. Bah oui. Est-ce que il a jamais une fausse moustache pour suivre quelqu'un? Ah bah. C'est marrant quand même. T'aurais aimé être agent secret, j'espère. Ouais, mais je pourrais pas. je parle trop fort, je suis pas discret moi, donc j'aurais bien aimé, mais j'ai pas le talent pour, je le sais. Enfin, j'ai pas le truc. T'as pas le talent. Oui, il faut un talent quand même pour faire ça. Bon, non, bah, faut être un peu comédien, oui, faut un talent, faut être un talent, à l'aise partout, parler plein de langues aussi. Je pense vu, que c'est un talent qu'il faut pour savoir fermer sa gueule, arriver à suivre. Savoir se battre aussi, je pense. Savoir, je sais pas, on lui demandera. Moi, j'en sais rien. J'aime ça, t'aurais aimé être un agent secret. Ouais, de ouf, ouais. J'ai vu deux trois séries en plus, ouais. Franchement, ça m'aurait trop branché. Ah, c'est un truc qui t'aurait branché. Ah ouais. Mais par contre, je sais que pareil, voilà, moi je parle beaucoup et j'ai besoin toujours de m'amuser un peu, tu vois, donc je suis pas sûr de tenir quoi. Ouais. C'est sérieux. Là, je pense que. Et surtout, ils doivent travailler beaucoup, les mecs, je pense qu'ils partent. Il n'y a pas de week-end, il n'y a rien. Ils nous racontera demain. Mais c'est juste, moi j'aimerais bien savoir, juste des trucs à la con. Est-ce qu'il y a des manteaux avec des pistolets intégrés Bah c'est sûr. Mais je pense que oui. Ce qu'il y a dans les films, c'est la dernière. Est-ce qu'il y a vraiment des stylos pistolets? Est-ce qu'il y a vraiment des. Tu sais, des genre des gaz. Tu sais, où genre tu mets. Dans les parapluies. Je sais pas, ouais, voilà, genre un parapluie. Et ça rentre dans le mec. Est-ce que genre il touche la main d'un mec avec un truc en fer et ça l'endort parce que c'est un gros coup de jus, tu sais, j'ai comme des tasers, des trucs là spéciaux. Est-ce qu'il y a des c'est rigolo quand même ce genre de dose. Ouais. À demain. Je vous écoute tous les soirs sur la route. Vous êtes une tuerie la famille. Bah c'est gentil, merci. Man. Merci. En tout cas Hugo, je te repasse Flo des cadeaux pour la reste, d'accord. Ok, ça roule. Allez, bonne nuit, Franck. Super, merci. Salut. Beaucoup. À très vite, bisous. Ciao, ciao les gars. Ciao. Allez, salut. Il est l'heure, monseigneur. On se fait le double hit maintenant et après on parle avec Missy Charme qui est actrice X. On parle avec John de Châtillon. Tu m'entends, John du 92? Bonjour Guillaume. Bonsoir John. Salut. Tu vas nous raconter toi aussi, hein, les choses qu'on cache en couple. Est-ce que vous avez déjà caché un truc énorme en couple? On en parle après. Mais d'abord, je vous passe deux morceaux de Lady Gaga. C'est le plus gros double hit que j'ai de l'année. Il est en plein milieu de la saison, je sais pas pourquoi. Je vous le dis, on est le 4 octobre. C'est le plus gros double hit que j'ai. Ouais. C'est non seulement. Alors c'est pour la même personne en plus, c'est un iPhone 7 et un iPad Air 2. C'est pour la même personne. Je vous file 2000 boules de cadeaux. Oh bah alors là. Vous envoyez Guillaume un espace et vous marquez juste votre numéro. Guillaume, au début du texto pour qu'il arrive sur mon écran d'ordinateur, Guillaume en espace, vous mettez votre numéro et vous l'envoyez au 6-11-12. C'est le plus gros double hit de l'année. Si vous jouez une fois par an, bah jouez maintenant. Bonne chance. C'est le moment où il y a le plus beau cadeau. Voilà, Guillaume, c'est un peu notre Euro Million à nous. Ouais, ouais. C'est ça, ouais. iPhone 7 et iPad Air 2 pour l'un d'entre vous dans 2 minutes. Guillaume et votre numéro au 6-11-12. Ensuite, on parle de sexe et des choses qu'on a cachées en couple. Double hit, c'est parti sur Énergie. Ok. Fit me, and maybe it's Hit Energy, Lady Gaga. Appelez Energy 3937. Maintenant. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What, what did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy. Au bout, Lady Gaga et Beyoncé pour le deuxième, la téléphone. Enchaîné, un autre morceau de Lady Gaga, c'était Perfect Illusion, le nouveau. C'est le double 8, voilà, ça arrive. Et c'est le plus beau de l'année. C'est le... Aujourd'hui, on est vraiment, c'est pas une blague, on est 4 octobre. C'est la fois où il y a les deux plus beaux cadeaux de l'année. Ce que je vous offre en même temps pour l'un d'entre vous, un iPhone 7 et l'iPad Air 2. Donc, s'il y a un jour où il faut jouer dans l'année, les mecs, c'est aujourd'hui. Ah ouais. Voilà, Guillaume, et vous envoyez juste votre numéro, ça va hyper vite. Et vous l'envoyez au 6-11-12. Je suis hyper motivé, en grande forme pour gagner. Bisous, Marion. Salut. Voilà, qui vient d'arriver. Florian motivé. Au taquet pour le double hit avec vous depuis plus de 5 ans et ce soir j'espère que c'est mon soir, voilà. Et vraiment, je vois tous vos messages mignons et tout, je vous aime très fort, mais je fais pas le tirage au sort volontairement pour pas qu'on m'accuse de tricher ou quoi que ce soit. C'est un logiciel qui le fait. On va prendre, c'est simple, hein, on va appuyer sur une touche, la touche F8 maintenant, et ça nous choisit un numéro de téléphone et qui va se mettre directement dans le standard. Et comme ça, il n'y a pas de triche, il n'y a pas d'enculade, il n'y a rien du tout. C'est vraiment le hasard qui fait les choses. Comme ça, je me fais pas engueuler après. Il n'y a pas de rancœur. Il faut juste vraiment envoyer Guillaume un espace. Vous me marquez votre numéro. Il y a beaucoup de messages vides. Si je vois pas, moi, votre numéro, je peux pas le voir quand vous envoyez le message. Il faut que je le voie dans le texto, ouais. En fait. Donc, vous envoyez Guillaume, un espace, vous marquez 06 68, et vous l'envoyez au 6 11 12. On se fera Joule avant la fin. Bisou, je fous de toi, je veux mon bisou. Allez, on laisse encore 10 secondes chrono. Bonne chance. Et j'appuie sur le bouton. Voilà, Guillaume, un espace, votre numéro au 612. Et jouez parce que 6 fois, c'est le jour où vous vous êtes dit ah, j'ai pas gagné, je joue pas. Et c'est peut-être là que vous auriez gagné. Allez, 10. Voilà, 9. Allez, vas-y, vraiment rapidement. Vas-y, je vais pas faire le décompte non plus. On n'est pas à 8, 7, 6, 5, 4. Allez-y rapidement. Voilà, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Allez, encore 3 secondes, encore 3 secondes. C'est le réveillon, on dirait. Guillaume, et votre numéro au 612. C'est la fin d'année, je te gère. Eh ouais, bonne année. Il a mis son petit chapeau pointu. Allez. Il a mis ses petites langues de belle-mère là. Comment on dit les... Langue de belle-mère, ouais. C'est ça, non, c'est la langue de belle-mère. Ouais, c'est fou, mais j'avoue que moi je le fais dans la nuit. On s'y donne rendez-vous, on rigole, on est fou, on fait passer l'ennui. Allez, on appuie sur le bouton, c'est parti. Et je vais appeler l'un d'entre vous maintenant pour lui offrir le cadeau. J'appuie. Vous gagnez sur NRJ, le pack énergie Apple Lady Gaga. This is Lady Gaga on NRJ. Allez, je vous laisse encore 4 secondes. Guillaume, et votre numéro au 612. 4, 3, 2, 1. Ça va sonner. J'appuie sur le bouton. 23h43 et 50 secondes. Salut Guillaume! Ça va ou quoi? Mais oui, ça va, et toi? C'est quoi ton prénom, mon con? Je m'appelle Nicolas. Nicolas. De où tu viens, Nico? Je viens des Bouches-du-Rhône, Barbantane. C'est un petit bled. Eh, reprends. Tu fais quoi dans la vie, Nico? Dans le 13. Je travaille à la SNCF. T'as quel âge, toi, Nico? 28 ans. Eh bah, écoute, mon Nico, iPhone ouais. 7 et iPad Air 2, c'est gagné. Oh oh Papa, mon gars, et ça, c'est pas un putain de cadeau, mon Nico. Non, iPhone 7, mais. Mais c'est le cadeau de fou. Tu fais quoi à la SNCF dans les Bouches-du-Rhône, toi? Je fais les échanges des billets. Tu fais quoi, les échanges des billets? Guichet. Je suis content, frérot, que ça te fasse plaisir. Moi, je suis content quand il y a des beaux cadeaux comme ça consacrés. Ça me fait plaisir. C'est magnifique. Franchement, je suis trop content. Je suis trop ému. Franchement, en plus, je l'écoute tous les soirs. Ça me fait trop chaud au cœur de vous avoir, vous parler et d'avoir gagné un putain de cadeau. Merci beaucoup. Je suis content aussi, frérot. Je vais t'envoyer ça demain matin. Double petit cadeau. C'est trop fort. C'est le plus beau double win de l'année, mec. Je sais pas si tu te rends compte. Oh là là là là. Franchement, tu peux pas faire plus plaisir. Merci beaucoup. Je vais t'envoyer dans un petit paquet. L'iPhone 7, tu vas l'ouvrir. Il est magnifique. Tu vas mettre ta petite pupus dedans. Ensuite, tu vas ouvrir la boîte de l'iPad Air 2. Il sera tout neuf. Tu vas le démarrer comme ça. C'est quand même double beau cadeau. Ah bah là. C'est trop fort. Je t'envoie ça demain matin. Merci mon poteau. Merci. Depuis combien de temps tu connais mon émission, Tonico? Bah ça doit bien faire 4 ans, hein. 4 ans, bien, même peut-être 5. C'est vrai? Oh putain. Je t'écoute depuis super longtemps. C'est vrai, bah c'est franchement, super sympa. Merci beaucoup, merci à toi. T'étais jamais passé à la radio? Bah non. Jamais. Dépucelage. Ouais, c'est le dépucelage. Et en plus le truc quoi. Ne dis rien, voilà, kiffe bien. Ah, merci, franchement. Je suis hyper content pour toi, mec. Je te repasse le standard, on t'envoie ça demain matin. Eh ben merci, franchement. Je vous kiffe. T'es célibataire, t'es en couple, t'es comment toi? Non, je suis célibataire. Je me suis séparé il y a pas longtemps là. Je suis un peu voilà. Là je suis dans le blues, mais. T'as les cadeaux là. Je suis content. Ça t'a fait une petite pause. Tu pourras aller sur Tinder avec l'iPhone. Ah bah oui. Putain de bonne idée. Et iPhone 7, tu pourras aller sur Tinder, Apple, tout ça. T'es sur des applications de rencontre ou pas du coup toi? Non, là c'est trop frais encore, tu vois, mais ça fait un mois et demi que j'ai rompu, hein. Quoi. C'est normal. Mais il faut qu'il l'oublie un peu. Ça fait combien de temps, ouais. C'est ça la vraie question. 5 ans. Ah ouais, franchement, j'ai mis 5 ans à m'en passer. Non. Ah ouais. Si vraiment. Ah ouais, à m'en remettre, c'est à peu près la même longueur. Quand t'es vraiment très très amoureux, hein, parce que bon, déjà il a pas connu une grande relation, tu nous avais déjà eu plus. Ah bah non, mais moi j'y crois pas, donc. J'y aime du standard non plus. Pareil, ouais, à peu près. Voilà, Flo des cadeaux, oui, toi 6 ans. Ouais, 6 ans. T'as mis combien de temps à franchement, bien 3 ans. Ah ouais, vraiment, ah ouais. En fait, c'est de la merde l'amour. Ah ouais, j'aimais bien l'amour. C'est quand même long. C'est chaud. Bah ouais. C'est intoxiquant, ouais. Putain, c'est elle qui t'a quitté? Ça faisait longtemps que ça traînait et en fait ça s'est parti d'une couille, on s'est séparés, on va dire voilà les deux quoi. D'un commun accord. Ouais, d'accord, ouais, d'accord, ouais, mais ouais, plus ouais, à son mais... côté. Ouais, c'est ça, c'est pour pas dire. Ouais, mais c'est pour les meufs, hein. C'est toujours ça. Hein. Ouais. Non, moi je me suis fait larguer une fois, j'assume. Hein. Je suis resté 5 ans, elle m'a dit si tu vas en Belgique faire de la radio, je te quitte, elle m'a quitté, voilà, bon. Aujourd'hui, elle habite à Paris, on doit être pas très loin. Elle est avec son fils de pute, de meilleur ami, qui s'est mis en couple. Ah là là, putain de merde. Non, mais c'est pas grave, c'est la vie. Je vais te dire un truc, non, c'est ouais, écrit, c'est cas, écrit. Exactement. Non, mais vraiment, ouais. Moi je me dis, ah, mais je donne le meilleur de moi-même tout le temps. Ouais. J'essaie d'être le meilleur possible, d'être le plus gentil. De voilà. Et je me dis, voilà, c'est écrit. De toute façon, tout le reste, je maîtrise pas. Non, mais vraiment, c'est une part de. C'est vrai, il y a une part. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. C'est on a tous à un moment donné une part de c'est écrit, une part d'on verra bien quoi, parce que tu peux pas à peu près hein. Tout décider exactement. Ouais. Mmh. Non mais voilà, en tout cas je suis vraiment super content et merci beaucoup. Pourquoi ça s'est terminé? Alors attends, vous étiez embrouillé, vous entendiez plus et vous voulez autre chose. On se prenait la tête tout le temps pour des conneries et puis là à chaque fois qu'on était tu vois en public quand on sortait, quand on allait au resto, quand on se prenait la tête devant tout le monde, c'était relou. Enfin voilà quoi, c'était vraiment on était sur la fin du truc quoi. Ouais, tu sentais que c'était un peu la fin du coup. Ouais. Et maintenant, tu vois, je pense à tout ça et je revois que les bons côtés. Mais c'est vrai que c'était quand même la merde quand on était à la fin du truc. Ouais. C'était la grosse merde. Ouais, à la fin, c'est plus du plaisir, quoi. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est clair. Attends, il faut que après, tu sortes. Voilà, il faut que tu sortes le soir, que t'aies envie de la retrouver. Voilà, faut qu'elle te manque. Voilà, exactement. Si elle te manque plus, c'est la fin, mec. Exactement. Attends, quoi, exactement. On s'est mis en couple alors que je connais rien. C'est le mec qui est plus cordonnier, moi bien sûr. Ah ouais, non, attends, c'est exceptionnel. Tu te retrouves le soir dans ton lit, tu te mets contre une meuf, là, c'est quand même le bonheur absolu. Son odeur et tout, sa petite joue le matin. Attends, geste agir, sa petite barbe le matin. Pas du tout. Voilà. Non, pas sa barbe. T'as raison. Son petit pyjama. Sa nuisette. Non, mais c'est hyper nuisette. Ses petites bouboules le matin. Oui. Colle dans la main. Ses beaux cheveux là. T'as déjà calé un wad à un mec le matin? Ta question elle est déplacée, Guillaume, je réponds pas. Non, c'est une vraie question qui est arrivée. Non, je peux pas répondre, je veux que je réponde à ça. Non, ça t'est jamais arrivé? Non, mais on réveille d'écarter avec ton index et ton milieu, les fesses. Je réponds pas à cette question. Ça t'est jamais arrivé de caler deux wads d'un coup? Non, je suis pas un caleur de wad. Et de sentir après au réveil. Ah, mais c'est comment tu peux penser? Tu sens qu'un anus est plus humide au réveil? Ah oui. J'ai jamais fait, je peux pas te répondre, désolé. Ah ouais. Putain, c'est rigolo. Bon, toi, Jim. Ah, voilà. Non, jamais des hommes. T'as jamais niqué au réveil? Bah si, tout le temps. Ah, tout le temps? C'est pas la même question, bizarrement. Je déteste faire l'amour le matin. Ah si, des fois même sans prévenir. C'est vrai? C'est-à-dire quoi sans prévenir? Ça, ben la fille elle est en train de dormir et je vais directement, je cale des doigts et après ça la réveille. Ouais. Non, c'est vrai? Bah oui, et elle surkiffe. Ah ouais? Merci pour ce réveil. Merci. C'est la phrase la plus ringarde que j'ai entendue de toute ma vie. C'est celle qu'on m'a sortie. Moi, j'ai calé des doigts au réveil, m'a dit merci pour le ce réveil. Le caleur de doigts. Oh, le standardisme marseillais. Ah ouais. Merci pour ce réveil. T'aimes bien, toi, Julia, faire l'amour au réveil? Ouais. Ah oui, bien sûr, c'est le meilleur moment, c'est là où t'es le plus excitée. Elle est dans les vapes, la fille. Les hormones corporelles arrivent et se développent à partir de 17h. Ça dépend des hommes. J'ai vu beaucoup d'études. Non, mais c'est pas une vanne, en fait. On a vachement plus envie de baiser à partir de 17h. Et en soirée, tu le sens d'ailleurs. Donc là, on a envie de baiser là. En soirée et tout ça, moi j'ai vachement plus envie de niquer que là par exemple à 10h du matin quoi. Je ah bah oui, c'est sûr. Ah ouais, mais le matin, si, c'est bien. J'arrive au boulot, j'ai pas envie de niquer. En plus, t'es en forme. Alors que le soir, toi. Non. Le soir, je démontrais bien la porte. Ah ouais. Des cadeaux. Moi, j'étais avec une meuf qui adorait que quand je rentre la nuit, je la prenne pendant qu'elle dorme en fait, sans la prévenir. Pareil, c'est vrai? Ouais, en rentrant. Comme ça, elle te voit pas. Et ça l'excitait trop, mais de ouf. Elle me le réclamait et tout. Elle me le réclamait. Je suis un bon samaritain. C'est un niqué. Mais non, elle m'envoyait des textos et tout. Ah, c'est vrai, ouais. Elle te disait quand tu rentres, tu veux qu'elle. Je dormirai, mais prends-moi. Ah ouais, d'accord. N'hésite pas et tout. Mais tu dis, genre, tu la forces un peu au début, ce qui est un peu molle, non? Au début, t'es un peu tout seul, mais au fur et à mesure, elle se réveille, quoi. Ah ouais, d'accord. Tu ça, c'est marrant, ça. Toi, Julia, tu fais ça, ta copine? Parce qu'il y a Julia et Bi. Non, mais ça m'est arrivé une fois, ouais. Enfin, pas tout le temps, elle me le demande pas, mais ça m'est arrivé une fois de la chauffer pendant qu'elle dormait. Ah ouais, d'accord. Bah ouais, mais c'est hyper excitant, quoi. Ouais. Je sais pas, Ah, moi j'ai l'impression de la faire chier. Genre, non, j'ai un réveil. Ah, je l'ai déjà fait. Il y a que moi qui aime paniquer au réveil. Hein. Non, mais attends, chacun est différent. Hein. Grave. Moi j'aime bien y aller violemment. Alors, si bah, tu peux réveiller. Non. Ça la réveille au moins la fille. Moi j'aime bien quand la fille est bien chaude. Hein. Bah, ou te faire réveiller. Mais pareil, moi, alors moi tu me réveilles pour niquer, j'envoie chier. En te suçant. Ah ouais, non, mais rien à branler. C'est pas mal quand même. Ça va. Elle a 23h50 pour me sucer. Elle va me sucer. Attends, je dors jamais. Non, c'est pas le moment de venir me sucer. Non. Il y a des moments pour se faire sucer, il y a des moments de sucer. Voilà. Des créneaux. Allez, hey, Missy Charm, en parlant de sucer en dormant, une actrice de boule. Une actrice de boule. T'es là, Missy Charm? Ah non, Missy Charm n'est plus là. Missy? Elle s'est endormie. Elle est avec un mec, peut-être. Si, elle est plus là, Missy. Tant que tu te vois, quand elle sort du nord, et vous bougez pas, on en parle juste après. Vous gagnez sur le pack énergie Apple Lady Gaga. Avec le tout dernier iPhone, plus l'iPad Air 2. Dès que vous entendez le double hit énergie avec deux hits de Lady Gaga. À la suite, soyez les premiers à appeler énergie 3937. Et vous gagnez le pack énergie Apple Lady Gaga avec l'iPhone 7 et l'iPad Air 2. Pop, R&B, dance. Ici, c'est Energy. En ce moment, Julie et Coé ont un peu le trac. Hey, normal, ils passent leur code. Eh oui, le code de la route. Avec La Poste, pour 30 euros seulement, on peut passer son code. Alors faites comme eux, partout en France et près de chez vous, avec La Poste. Pour s'inscrire, c'est simple. Rendez-vous sur laposte.fr/lecode. Gagnez des consoles PS4 pour la sortie du film Captain America Civil War en Blu-ray avec Énergie. Les gens ont peur, Captain. Écoutez Coé de 19h à 22h sur Énergie et gagnez des consoles PS4. Je suis désolé, Tony. Quand je vois qu'une situation dégénère, il faut que j'intervienne. Captain America Civil War, le 5 octobre en Blu-ray avec Énergie. It's music only. Après la fête, au cœur de la nuit, un super-héros sauve des vies. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Mais ce héros n'a pas la grosse tête. Quoique, il pourrait, parce que quand même, jusqu'au 16 octobre, Sam peut vous faire gagner des places VIP avec deux de vos potes au Energy Music Awards. Alors à vous de jouer. Jeux et règlements sur la page Facebook de Sam, le conducteur désigné. Salut les geeks, c'est Kevin Razi. Avec Energy Games, tentez de gagner vos entrées pour votre salon, la Geeks Live. Retrouvez toute l'équipe sur le stand Energy Games avec au programme de la high-tech, des tournois Street Fighter V et Clash Royale et bien sûr plein de cadeaux. Jouez sur energygames.fr et rendez-vous mercredi 12 octobre au Carreau du Temple à Paris. Energy Games, play again. Jouez encore. Jeux jusqu'au 11 octobre 2016 et règlement sur energygames.fr. Étudiants, apprentis, l'année de vos rêves est déjà dans votre box all inclusive Société Générale. Un an de transport gratuit, de loyer, d'études à l'étranger, à vous d'imaginer votre box all inclusive. Vous avez jusqu'à 16 000 euros, une box à gagner chaque semaine sur boxallinclusive.com pour une année de folie. Jeux avec tirage au sort jusqu'au 16 octobre 2016, règlement sur le site. All inclusive égale tout compris. Ah, c'est bien, ils nous ont expliqué ce que ça veut dire que All Inclusive, comme ça on sort, hein, quoi, voilà. All Inclusive, tout compris. On va retrouver Missy, tu m'entends toujours, Missy? On parlait juste avant. Oui, de... oui, c'est bon, ça va. Alors, on parlait, il y en a un qui dit quel corps est là, Missy? Jolie bouffe et bien le minou, merci. C'est classe, à ce message. Merci pour ce moment, merci pour ce texto. J'ai un stagiaire à la coquine, il m'a réveillé en me suçant déjà. Ah, voilà. Bah non, jamais, ah ouais. Non, c'est un autre joueur. Félicitations à celui qui a gagné, j'ai vraiment pas de cul, je joue tous les jours, jamais gagné encore. Le routier barbu, salut frérot, t'inquiète, ça va tomber à force. Hein. Oui. Vraiment, c'est du hasard, je vous jure, c'est du hasard et ça tombe à force. Alors, Missy Missy, qui est actrice de boule, on parlait des choses qu'on avait déjà cachées en couple avec John, hein, qui était là de Châtillon du 92. Qui n'avait pas encore raconté. Qu'est-ce que tu as caché d'ailleurs, les choses qu'on cache en couple, John? C'est quoi toi? Alors, moi je n'ai rien caché, c'est juste que ma copine ne veut pas me laisser monter chez elle. Je ne sais pas pourquoi. Attends, mais elle habite chez ses parents ou elle est... Parce que c'est peut-être son père ou sa mère qui a peur, tu vois? Bah apparemment, elle habite chez ses deux parents, donc. Elle habite chez ses parents, ouais. Bah c'est ouais. Ça. Elle a peut-être peur que son père monte en même temps. Peut-être que ses parents, ils ont pas envie qu'elle ait une relation. Tu vois, peut-être qu'elle t'a pas dit des trucs aussi. Voilà. Pendant les vacances, au pire. C'est possible. Hein. Ils sont pas là. Je sais pas. Elle m'a rien dit. Elle veut juste pas que je monte parce que, enfin, je sais pas si elle me cache quelque chose, mais en tout cas, elle veut pas. D'accord. Donc. Ouais, ça craint un peu. Putain, c'est ouais. Elle peut te les présenter, les parents. Non. Non, justement, elle veut ni que je monte ni me les présenter. Elle veut ni l'un ni l'autre, d'accord. Peut-être que. Ouais, je sais pas. Ouais. Elle a, c'est vrai que c'est bizarre. Hein. Ouais. Alors, soit elle a pas envie de se mettre en couple longtemps. Ouais. Et voilà, soit elle a peur de ses parents, mais peut-être que ses parents, ils sont peut-être pas sympas. Hein. Ils sont pas à l'ancienne. Hein, peut-être. Ouais, peut-être que ses parents, ils sont. Ils peuvent avoir plein de défauts et qui fait qu'elle a pas envie que tu les vois. Peut-être qu'elle a honte de ses parents. Peut-être que. Faut pas qu'elle a honte de toi, par contre. Voilà, peut-être qu'elle a honte. Non, mais peut-être qu'elle a honte fois, parce que son papa, il aime peut-être pas ci ou ça. Peut-être qu'il y a ci, il y a ça. Non, mais tu vois, il y a plein de trucs possibles. Ouais, une déco bizarre à la maison. Attends, bien sûr. Ouais. Peut-être que son père, il est ultra chelou. Et, ou alors, il est peut-être malade et il a pas osé te le dire. Ouais, grave. Peut-être qu'il est très agressif et alcoolique et il a pas osé te le dire. Ouais, c'est lui en parle, en fait. On a eu plein de réactions comme ça depuis qu'on fait la radio. Franchement, il y a eu plein d'histoires. Donc, c'est possible que ce soit un truc comme ça qui te soit arrivé. Hein. Ouais. Faut attendre. J'aime justement, ça t'est arrivé pareil. Comme ça, d'avoir quelque chose que tu cachais en couple vraiment. Ouais, moi, je cache en fait quand je vais voir des ex. Parce qu'en fait, je m'entends toujours bien avec les filles, même si je me sépare. Et je sais pas, des fois je bois des coups avec, tu vois, mais je le dis pas à la fille avec mais qui. Mais pour la niquer, tu reniques avec les ex. Ça dépend. Ah, donc là, bah voilà. Non, pas tout le temps. Voilà. Non, pas tout le temps. Mais au début, on dirait que c'est pour voir une copine. C'est normal, c'est Mais aussi, même si c'est pour voir une copine, je lui dis pas. Je préfère pas si je suis avec une fille. Ouais. Je sais pas, parce qu'après, elle va me rendre fou et tout, et moi, j'aimerais pas qu'on me le fasse en fait. Ouais, t'aimerais pas, ouais. Bah, les ex. Les ex, c'est un peu moyen. C'est de la merde, hein. Ouais. Ça donne toujours envie d'y retourner en fait. Ouais, ah non, pas du tout. Alors moi, les ex, je n'ai pas du tout envie d'y retourner. Toi, t'as envie. Bah, ça dépend si ça s'est bien passé et que ça s'est fini un peu pour une connerie. Ça se finit jamais bien. Avec qui j'ai niqué. On va dire que j'ai consommé. Et que voilà, j'ai fait passer les plus grosses envies sexuelles. Ouais, je sais pas. Je vais pas la recroiser dans le truc pour mais aller. Mais si c'est bien, tu l'as kiffé une valeur sûre. Non, mais une valeur sûre, normalement je l'ai souillée. Quand tu kiffes une meuf, tu la kiffes quand même. Mais en vrai, moi j'ai une période, je pense, d'ovulation. Ouais. Je suis un peu comme une meuf. Et pendant 5 ans en couple, j'ai toujours envie. À partir de la 5e année, je sens que ça baisse un petit peu quand je suis en couple. C'est normal. La 5e année, tu sens que normal. Je me réveille pas en me disant putain, je vais la défoncer. Ou alors il faut innover. J'ai mis la dose. Elle a pris cher quoi, 5 ans. Non mais je plaisante, je fais exprès de parler des mots comme ça pour qu'on se marre. Non mais voilà, on va dire que j'ai fait le max. Donc après, si je la croise dans la rue, je vais préférer m'exciter sur une fille que je connais pas. Ouais, mais oui. Sur une fille que moi, je t'ai pas resté 5 ans avec la fille par exemple, tu vois. C'est sûr, si je reste 5 ans avec une fille, je vais pas y retourner. Ouais, voilà, attends. T'es inconnu quoi. T'as fait le tour, ça va. T'as connu le dos. Ou alors, il faut laisser passer 10 ans et tu la croises dans la rue. Voilà. Ah, comme par hasard. Et tu lui remets une capsule. Ouais, au réveil. De quoi, comme par hasard, j'ai. Tu la croises dans la rue, ton ex. Ah ouais. C'est pas vrai. Ah non, moi. Ah non, c'est un exemple, mais dans la rue. Ah non, mais aussi. Même l'ex avec qui je suis resté 5 ans, si je la croise dans la rue demain, je pourrais peut-être y remettre une petite. Tu lui dis bonjour ou pas? Une petite potée, quoi. Ouais, c'est possible. Bah oui. Qu'elle soit d'accord. Ah non, mais attends, non, mais je plaisante. Non, mais je veux dire, ça pourrait me réexciter 10 ans après. Ah bah oui, parce que tu l'as aimé. Ouais. Tu l'as pas oublié. Exactement. Oui, je l'ai. Non, si, je l'ai. On n'oublie jamais vraiment son amour. Si. Ah si, je suis passé à autre chose. Ça, c'est une question que je me pose. Ah en non, fait. Attends, ça fait 10 ans. Il faut arriver à passer à autre chose en fait. Ah, tu dès que t'as trouvé une autre. En fait, depuis, j'ai eu d'autres. Ouais, mais si tu l'as aimé, je suis tombé amoureux entre temps. J'ai eu d'autres histoires, ça s'est reterminé. Voilà. C'est moins fort. Bon, bah ça dépend. Non, c'est différent. En fait, le premier amour, il est un peu plus piquant. Mais il n'est pas forcément plus fort en fait. Et après c'est plus du vrai amour un peu, tu sais, tu le sens un peu construit quoi. Ah donc Julia, pareil, t'as déjà caché un truc en couple de ouf? Bah, ouais, moi quand je suis en couple en fait j'aime bien quand on. Pourquoi t'as une voix comme ça aujourd'hui, non? T'avais une voix comme ça? Petite voix, ouais. T'as une plus petite voix, ah ouais. Bon ouais. Ah moi je sais pas. C'est le micro, du micro. Ouais. On t'entend pas en fait. Ah bon, ok. Alors non, en fait moi ce que j'aime bien en couple c'est draguer. Quand je me fais un peu draguer par SMS ou par exemple sur Messenger et tout sur Facebook, bah j'aime bien répondre un peu aux garçons et tout, même si je suis en couple. Je sais pas, ça me fait un petit plaisir personnel. Voilà, je joue un peu. Non, non, je joue un peu par SMS. Et tout le monde le fait, je crois. Alors moi c'est clair, hein. Moi j'ai jamais arrêté de parler par SMS en étant en couple. Mais tu peux le foutre. Non mais parfois j'ai des copines et tout un peu mignonnes. Bon, elle m'envoie un petit message. Un petit cœur. Allez hop. Non, tu vois des petits trucs. Tu refais quoi? Ça fait longtemps qu'on s'est pas avec un petit cœur. Et ta meuf elle crame ça. Et moi je réponds direct. Je fais quoi? Je suis en plus, je suis d'humeur 50 nuances degrés. Elle me dit faisons une soirée vite alors avec un petit smiley. Non mais franchement, parfois j'ai des messages. Ah c'est abusé quoi. Je dis putain. Non mais tu sais, c'est pire, à chaque fois je reçois plus de messages quand je suis célibataire comme maintenant. Dès que j'ai une meuf, j'en reçois plus. Ah ouais. Mais vraiment, il y a des fois c'est vraiment pas possible quoi. Abusé. Dans la même journée, je reçois 3 messages, je dis oh là là, putain. Et quand t'es seul, il n'y a rien. Voilà, et puis ouais, flot des cadeaux. Alors qu'est-ce que tu caches quand t'es en couple? Mais moi je faisais ça quand il y avait des meufs qui me chauffaient par SMS, mais sauf que je le montrais à ma meuf. Donc au début ça l'énervait, mais après en fait ça l'excite un peu. Ah, de te voir parler. Ouais. Parce que je lui disais, regarde, tiens, il y a une fille qui m'a un peu chauffé et tout, donc je lui montrais la conversation avec mes réponses. Donc au début, elle t'envoie chier, mais à la fin, elle revient vers toi et ça l'excite un peu. En fait, t'es un peu une sorte de libertin 2.0. Vite fait, quoi. Un libertin de SMS. Ouais, c'est drôle de jouer avec le feu, quoi. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que moi, j'aime bien, alors je vais vous dire un truc, hein, j'aime bien chauffer et en plus, j'aime bien voir. C'est-à-dire que ça me fait plaisir parfois de rencontrer une meuf. Ah bah oui. Qui me chauffe un peu. Ah même quand je suis en couple, juste histoire d'aller boire un verre avec elle. Et je me dis à la fin, mais c'est presque si je suis en couple, moi, c'est un peu merde. C'est du mal pour rien. Pousse loin, ouais. Et ouais, en fait, je pousse un peu le vide. J'ai besoin de me sentir un peu séducteur de temps en temps. Et si la meuf, j'ai besoin de me sentir, tiens, la meuf, je pense que je peux la ken. J'ai ce petit côté, mais je pense qu'en vrai, tous les hommes sont comme ça. Bah oui. J'aime le standard quand t'es en couple, tu t'amuses pas parfois à jouer avec le feu sans aller. Toi, tu vas dedans, toi. Non. Franchement, il y a des fois, j'ai pas succombé alors que putain, il y avait des meufs. Ça dépend, ça dépend. Il est faible un peu. Bah, ça dépend de la fille, ça fait longtemps que je suis avec ou pas. J'essaie de pas y aller si ça fait longtemps, tu vois. Ouais. J'essaie, j'aime bien. Tu vas quand même. Mais si, je te jure. Tu vas quand même. Mais non, pas jusque-là. Non, mais c'est magnifique, quoi. Ah ouais, donc toi, ça t'est arrivé. Ça t'est arrivé, Flo, des cadeaux de, ouais, de draguer des meufs. Tu les rencontres où ces meufs par SMS, là? Bah, c'est par Twitter ou par Instagram. Ah ouais, moi, ma nouvelle passion, c'est de. Ouais, j'aime bien parler à des meufs sur Facebook, là. Je trouve ça agréable. C'est marrant. En fait, j'ai découvert les messages privés sur la page fan, et puis du coup, je chatte. Ça chine. Non, attends, là, tu vas voir 50 000. Non, en fait, le problème, c'est qu'il y a Guillaume du Standard qui voit les messages aussi. Ouais, des fois, je les lis pas. Il fait son marge. Il y a Sébastien Soudan. Salut Guillaume, c'est quoi la musique que t'as mis avant d'offrir les deux cadeaux? Je sais plus, mon frérot, j'en ai. Je crois que c'était Lady Gaga téléphone. Il y avait deux, ouais, c'est ça. Deux, téléphone avec Beyoncé. Attends, je vais lire vos messages sur la page Facebook, hein. Guillaume Play, P-L-E-Y. Il y a plein de messages qui arrivent en privé, là. Bon, ben, déjà minuit, ça passe vite, t'as vu, dormez bien, je pense à vous, vous assurez. Adams, merci Karim, Colin, salut, c'est gentil, Karim. Karim. Patrick Pereira, salut l'équipe, je vous kiffe. Patrick de Genève, salut mon Patrick. Mathieu Monboise, hier j'ai gagné FIFA 17, je voulais savoir quand est-ce que j'allais recevoir. Bah, le temps que la poste te met, frérot, si c'est hier soir à minuit, c'est normal que t'aies pas eu. Ouais, ça va arriver. Ludovic de la ville d'Aubusson, bonsoir à toi, Ludovic. Salut. Élise Gounod, bonsoir à vous. De la Creuse. Vacances heureuses, et eh ben y a pas de problème. Ah, ça rime. Adrien BRNT à l'instant, c'est qui le papa? Message qui arrive là. Kevin Letellier. Une chose est sûre, t'es trop fort. Merci Eric, salut à toi par message aussi. Il y a plein de petites dédicaces. Un message privé, on les voit, allez, je vais aller les voir après avec plaisir, les mecs. Salut Jus Breton. Tu aimes parler avec les filles sur Facebook? Je suis là, moi. C'est parti là. Bah écoute, c'est gentil. J'ai encore rêvé de toi cette nuit, je te jure, c'est de l'abus. Tu as de se baigner dans un lac à la cool et je commence à te prendre dans mes bras et à te titiller sexuellement. Puis c'est parti en cou. Ah bah merci. Dans un lac. Pas mal. Ah, ça m'excite de savoir qu'il y en a qui font des rêves érotiques. Vous êtes au top. Merci Claire Fanny Froug qui like la page depuis 2 ans. Ça fait plaisir. Salut. Salut. Gros bisous, ma chérie. Merci les amis. Patrick qui a lu son message dédicace à mes amis de Paris, Amandine, Nathalie, Chantal. Gros bisous. Salut Guillaume, Paul Torb, White. Salut à toi aussi. Voilà, les messages privés, vous pouvez y aller. Merci d'être hyper nombreux là. Après 25 ans, je retrouve mon premier amour secret et je trompe ma femme avec. Oh, c'est énorme ça. Ça, c'est. Tu vois. Ouais. Hey, on va en reparler demain, les mecs. Il y a trop de réaction là. Les choses qu'on cache en couple. Guillaume et votre message au 612. Est-ce que vous avez déjà caché un truc en couple? Vraiment énorme. On en reparlera demain avec plaisir, les copains. On se parle, hein, sur Facebook. S'il y en a qui veulent m'envoyer des messages privés, je vais répondre après là. Je vais être tranquillou. Je fais un gros bisou. On se retrouve demain. Ouais. À partir de 22h. 22h minuit, demain. Qu'est-ce qu'il y a, j'ai ça? L'agent secret, Guillaume, demain. Il y a l'agent secret demain. C'est mercredi, il arrive. Oh putain. Et c'est spécial Mafia et agent secret. C'est la semaine. J'aurais besoin d'un défi pour la Mafia aussi, puisqu'il y a le jeu Mafia 3 qui sort. Et demain, spécial avec un agent secret qui vient nous raconter les gadgets et tout, c'est marrant. On parlera évidemment pas de secret d'état, je précise. Non, ni les lieux ni l'heure. Mais ça va être des trucs un peu marrants, quoi. Je fais un gros bisou, les mecs. Bon courage si vous taffez, si vous avez cours demain. Je sais qu'il y en a qui sont en train de gratter les cahiers ou quoi. Je fais un gros bisou, les mecs. Guillaume demande à Missy si elle se fait lécher les pieds. Voilà, message qui arrive. Fétichiste. 38, 67. Salut à toi. Est-ce que tu te fais lécher les pieds, Missy, dans les vidéos? Oui. Voilà, elle se fait lécher les petons. Ouais. C'est bien ça. Mais c'est pour une fille, ça va être complètement ridicule d'entendre cette phrase. Lâcher les pieds? Bah ouais. Bah si elle aime. Ça te fait absolument rien, on est d'accord, non, pour une fille, Missy? Si, ça fait des guilis. Moi je suis super sensible des pieds, j'adore tout ce qui est massage, etc. Léchage des pieds et tout, ouais. Ah ouais, d'accord. Faut qu'il soit propre. Non, mais tu dis ça pour faire bien, oui. Parce que c'est ton style. C'est ton métier, mais genre, tu vas pas te mettre à mouiller parce qu'on te lèche les pieds, genre. Ah bah, moi je vais te dire que si. Si, ah ouais, peut-être. C'est le point G, les pieds. Mais je suis tombé sur une fille qui m'avait dit putain, mes pieds sont reliés à ma chatte. Voilà, très classe. Ah ouais. Bah, en même temps, par la jambe, c'est relié. Déjà, c'est vrai. Allez, à demain, j'aime le standard. Elle a raison, bonne nuit. De quoi? Non, mais je sais, bah, je lui dirai. Gros bisous, tout le monde. Bonne nuit, dormez bien, les chéris. Gros bisous, Missy. Et rappelle quand tu veux, en tout cas. Bisous. Ça marche. Allez, bisous, ciao. Et bon courage. Bonne nuit à toi. Bonne nuit, John. Bonne nuit, Guillaume. Bonne nuit. Je voulais savoir, est-ce que par un miracle quelconque, je pourrais avoir un FIFA 17? Alors, je sais pas si ce sera un miracle quelconque, mais je te repasse le standard. Ça, c'est sûr que tu vas l'avoir. Et tu vas essayer de gratter avec eux, d'accord? Faut négocier. Merci. Allez, gros bisous. À bientôt. Salut. À plus. Ciao, Moujan. Ciao. À demain. Bonne nuit, les mecs. À demain, j'ai stagiaire. À demain, Guillaume. Salut. À demain, Jim Sandard. À demain, Guillaume. Bonne nuit. À demain, Flo des cadeaux. À demain, Guillaume. Bonne nuit. Et le meilleur pour la fin, la plus belle. Ah Julia, bonne nuit. Salut Guillaume, bisous tout le monde. Minuit 6, je vous embrasse. Je resterai bien rester 3 heures de plus avec vous. Et je vous laisse, non pas avec Mickaël ce soir, mais avec Difool, c'est le gros changement. T'imagines le truc de ouf et tout. Le mec, la tête et tout. Non, je dis pas avec Mickaël, c'est ça, parce que Mickaël, je crois qu'il est souffrant, on l'embrasse d'ailleurs. Ah, bon courage. Il a une petite grippe ou un truc comme ça, non, je crois qu'on est tous malades hier c'est déjà. Ça, ouais. Alors, il a une petite... Qui ouais. est à côté du coup, c'est la voix de eh ben, Polo que j'entends, y a c'est Polo. Toff, Polo, Amina et puis il y a Baba qui nous aide. Eh ben écoutez, et alors et du coup, vous animez entre vous. Voilà. C'est ça, on va faire un peu de best-of, un peu de tout quoi. Et puis Ami, ouais, Mickaël est malade, bon, vous rassurez-vous, il n'est pas décédé. Hein. Non, il est pas mort. Il est là, ouais. D'accord, putain, mais c'est toi qui vas gérer l'émission, Polo c'est bon, vraiment... Non, on va faire un truc collégial, comme dirait, hein, comme on dirait ailleurs, puisque tu cites des autres émissions. Non, on va faire un truc bon, tranquille quoi. Non, t'inquiète, on va aller à la cool, voilà. De Polo. Ouais. De Polo, d'une ville qui finit en haut parce qu'il finit sur des. Plutôt Malo, Saint-Malo, Saint-Malo. Ah, Saint-Malo, Saint-Malo. Allô. Bordeaux. Eh ben, qui fait bien. Merci. Mais très très beau veston, Amina. Ah, merci. Eh ben, ouais, c'est beau. Non, c'est vrai. Ouais. Et c'est embelli cette année, je trouve. Ah, bah, c'est agréable. C'est à mon contact. C'est à mon contact, c'est pour ça. Non, mais elle était déjà très jolie. Et là, elle est vraiment passée au stade au-dessus. Oh, ben, je te remercie. Je sais pas si c'est en rapport avec la Fashion Week ou quoi, mais. Je le pense vraiment, je me suis dit tout à l'heure, je pense que elle s'est reposée ou je sais pas, elle est plus en forme et bonne mine. Bah, c'est gentil. Elle est épanouie. Que de compliments. Bah, non, mais ouais. Mais quand c'est bien, faut le dire aussi. C'est ça. Toujours là pour c'est pour ça qu'on fera jamais de compliments à JM. C'est pour une JM, je t'aime. T'es mon bijou. C'est pas Jules que j'avais mis, mais c'est, ça marche aussi. La réponse. JM du standard, il a pas vu arriver. Si, c'est un petit scud comme ça, je l'ai vu arriver à 3 km. C'est un missile sol-sol. T'avais pas fini la phrase, tu l'avais pas commencé. Il sort le mouchoir. Vas-y. Il est mouillé. Pas du tout, t'inquiète pas. Il a le visage tout blanc. Non, je l'ai ça. C'est un frérot, JM. Ah, bah big up pour lui. 10 secondes pour terminer, JM du standard, si tu veux. Là, c'est dur là. Je pense qu'on va s'arrêter là, on y va. Allez, on y va, là, on va laisser tomber. Allez, à demain, les gars. Attends, on vous embrasse tous. Attends, laisse-lui finir ça. Attends. Je la répète une fois dans ma tête. C'était drôle, franchement. Et non, mais c'était magnifique. Ah, ouais. C'était la meilleure blague de la vie. Toutes les blagues de la vie. Attention, la blague de JM. Vas-y, JM, roulement de tambour, on y va. Allez, c'est bon. Sois bon, mon pote. Je peux pas de faire. Je vous explique ce qui se passe. C'est Guillaume Radio 2.0. On est en train de passer l'antenne à l'autre studio et il se balance des blagues. Et JM, il n'arrive pas à sortir une phrase. Vas-y. C'est ça. Mais JM, on l'appelle le bec dans le milieu ou pas? C'est à peu près ça. Je peux pas te faire de compliments parce qu'il n'y en a pas à faire en fait. C'est pour ça. Oh non. C'est tout. Merci à tous. Je vous embrasse. Allez, bisous. Non, on part pas avec ça. Ah si, on y va. Non, reste. Vas-y. Je réfléchis, attends. Oh là là. Oh, t'es nul. Il en est gênant. Hein. Demain, on vient. reviens demain. Non, non, attends, mais je suis sûr qu'il va en trouver. Allez, 5 secondes, dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, allez, non, j'en ai pas 5 secondes. Tu sais, moi, je suis direct. Si j'en ai pas direct, j'en aurai pas de suite là après. Oh là là. Mais non, si je suis pas direct, j'en ai pas. Oh là là. Mais défendez-moi alors l'équipe là au lieu de dire. Mais non, mais c'est pas un cadeau là. Aidez-moi un peu. Non, mais c'est pas un combat d'équipe, c'est pas un combat. C'est pas une guerre, mon Dieu. Il t'a pris en cow-boy. C'est ton dossier, mec. C'est un duel entre deux cow-boys. C'est ça, il t'a pris en duel. Nous, on peut pas intervenir. On peut être que témoin. Moi, je n'ai rien contre Polo. Moi non plus. Bon. Personne n'aide Polo. Hein. Bah ouais. C'est vrai, c'est vrai. Personne n'aide Polo. T'as Flo, ils l'en font. On s'en soutient dans votre équipe. Il s'était préparé parce qu'il a utilisé une vanne d'Amina, donc c'est pas grave. Oh là là. Il est mal, il est vénère. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu veux couper? Bon, les gars, on va vous laisser régler ça. Attends, j'en ai rien à branler. Deux secondes. Non, on l'a pas fini. Attends, deux secondes. Je voulais juste dire, putain, mon JM, il transpire, il goûte. Non, il est malade. Oui, mais il est malade, laissez-le, le pauvre. Il est fatigué. Va faire un bisou à Polo pour demain. Vas-y, viens. Non, il est malade, il est malade. Non, il est malade. Vas-y. Le bisou. Le bisou. Attends, le petit bisou là quand même, le pauvre. Vas-y, viens, JM. Non, non, parce que là, tu l'as vexé. J'ai vu qu'il transpire. Tu vas voir, regarde. Attends, il va te contaminer. Regarde comment il transpire. Je vous jure que c'est vrai. Oh le pauvre. Regardez, voilà. Il n'y a pas de guerre, c'est de l'amour, c'est que de l'amour. Allez, on se finit sur ce message là. Bisous, les copains, demain, 22h. Bisous, tiens, va demain. C'est la rentrée. Tu regrettes déjà tes vacances? Tu étais tellement bien. Le sable chaud, les terrasses, le soleil, les bikinis, les jolies filles, les balades, la nature. Mais tout ça, c'est terminé. Même ton bronzage est en train de se barrer. C'est normal. C'est la rentrée. T'es pas bien. T'es pas heureux. Tu vas rentrer pour travailler. C'est comme ça, t'as pas le choix. Il y a le métro, les heures de pointe, les bouchons. Tu vas râler. Tu veux tout plaquer. T'es fatigué. C'est normal. C'est la rentrée. Il y a l'école, les nouvelles têtes, te lever tôt. Il y a le boulot. T'étais pourtant si bien, zen et reposé. Je t'ennuie déjà. Normal, c'est la rentrée. Tu ne penses qu'à une chose, à tes prochaines vacances. Mais prends ton temps, c'est dans longtemps. Pour le moment, c'est la rentrée. En attendant, y'a Mickaël sur Énergie. Toutes les nuits de minuit à 4h. Cet homme que nous avons tant aimé, Mickaël, que nous avons suivi pendant des années, voire des siècles, voire des lustres pour nous, puisque nous sommes des vampires. Amina n'est pas encore rentrée dans la secte des vampires, mais bientôt elle y rentrera. Je suis quand même ému. C'est trop dur. Il nous a pas quittés, mais. Comment expliquer là? Sois fort. Le monde, il a parcouru le monde, il a lancé la bonne parole à travers le monde, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, tout le monde le connaît. Au Ghana. Au Portugal, où il a construit plusieurs murs. Il a tant fait pour l'humanité et un ennemi ignoble, une espèce de d'ordure, une pourriture, une merde, a eu raison de lui. Oui, il a été fauché dans sa prime jeunesse. Alors qu'il avait tant à apporter au monde, il a été fauché par une diarrhée fulgurante. Non, plaisanterie. Vous êtes sur l'énergie, vous êtes avec Polo, Amina, oui. Toff et Baba à l'area. Et il y a Mickaël qui est là et qui est malade, très malade. Il n'a pas pu venir, mais il est là. Vous inquiétez pas, il est malade seulement. Est-ce qu'on peut avoir mon meilleur ami là? Mickaël, t'es là? Ah putain, il aura fallu que j'ai la gastro et que j'aille tout gerber pour que vous bossiez enfin ta pro. C'est tellement vrai en plus. Bon. Ça y est quoi. Ça y est, hein, c'est fait. Ouais, voilà, bon. Incroyable. Bon, que dire à part que tu as été un peu. T'es un peu fatigué, malade? Non, ben ça va mieux là. Ça va mieux. Franchement, ben non, mais le médecin m'a foutu jusqu'à vendredi. Bon, je serai là demain. Mais franchement, j'ai rempli la journée. J'aurais pu venir ce soir, mais il m'a tellement mis de trucs dans un ouais, mais bon, faut quand même vous reposer parce que sinon vous allez traîner ça longtemps, vous allez traîner ça deux semaines. Puis je me suis dit, putain les gars, il y a Los Angeles la semaine prochaine, je peux pas avoir la gastro. Il en a rien à foutre. Ah, il a raison. Il y a un moment donné, il y a des priorités. Attends, mais non, des priorités. Ben oui. Ah ouais, voilà, il y a des priorités et que voilà, il y a un moment, faut pas déconner quoi. Non mais voilà, donc du coup non, demain je serai là, pas de problème, on sera en forme, en tout cas moi a priori. Mais bon, ça va tout le monde, enfin, tu en fais tête de con hein. Mais ne t'inquiète pas, rien n'a changé. Ah c'est de la gastro à lui tout seul hein. Mais voilà, je n'ai contaminé personne pour l'instant. Bah non, ça va, Amina va bien apparemment. Non, ça va, moi ça va, tout le monde va bien. Tant apparemment mieux. Bon bah tant mieux, parce que j'ai le médecin qui m'a dit que la période d'incubation c'est une semaine, donc on aura peut-être tous les trois la gastro arriver à Los Angeles. Ah putain. Et on va rester couvés pour une semaine au plus au lit. Non mais c'est et super ça, c'est en cool. plus. Non mais c'est vrai. Et ça c'est bien. Et cool. Ça c'est pas mal. Ouais, mais le plus important c'est qu'il faut qu'on fasse le taf. On a fait le taf jusqu'au bout, et si on doit se reposer là-bas, et ben c'est pas grave. J'embrasse Morgane et Gaël d'ailleurs s'ils m'écoutent. Bah, j'espère qu'ils vont pas écouter trop longtemps parce que je sais pas à quoi va ressembler l'émission. Oui, moi aussi. Non mais t'inquiète, on a bossé, on a travaillé toute l'après-midi. Il n'y a que du bon. On va faire un peu de rediff, on va faire 2-3 jeux histoire de s'amuser un peu. Et voilà, il y aura quoi, t'offres du chéri cocu? Non. Bah, dis-moi alors. Il y aura des appels forcément. Il y aura le Mantelor comme tous les. Attends. Les appels, tu vas nous faire du nouveau. Tu vas pas nous faire de l'artif. C'est pas malade que je sache. C'est vrai, mais non, ça sera de l'artif. Je te réserve la primeur des nouveaux appels. Ah là là, c'est gentil. Ah putain, c'est ça, mais je peux écouter, t'inquiète pas, j'aurai la primeur aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai, mais non, mais t'es pas là, c'est pas pareil et tout, tu peux pas réagir. Non, c'est pas la même chose quand t'es pas là. Donc on fera des appels, on fera un Mantelor comme tous les mardis, on fera forcément un merci pour ton ex, pour ceux qui veulent s'inscrire pour demain, puisque tu seras là. Comme tous les mardis. Voilà, comme tous les mardis. Et on se fera une rediff de canular, voilà, pour le plaisir. Puis après, on se fera 2-3 jeux, hein, histoire que je puisse battre Amina au jeu des Dimo. T'as raison, toi. Je la battrai également au partons pas fâché. Ouais. Ah bah oui. Au partons pas fâché. Et si vraiment elle veut que je l'achève, je la battrai aussi au jeu du gros. Ouais, t'as raison toi. Mais comme ça c'est bien. Je vais pouvoir comparer l'arbitrage, Mickaël. On va voir si ça change quelque chose. Oui. Ça c'est quoi que Mickaël n'est pas un bon arbitre. Scandaleux ce qu'elle vient de faire. Scandaleux. Eh bien, tu sais quoi, je laisse 100% de l'arbitrage à Polo. Ah bah merci. Super. Merci Mickaël. Voilà, qui ne pourra donc pas jouer ce soir, mais bon, du coup, ce ne seront que des battles entre vous deux. C'est d'accord. Est-ce que, Mickaël, tu veux écouter un petit morceau là? The Weeknd, The Parakeet, Ellie Goulding, qu'est-ce que tu veux? Allez, c'est pour toi ce soir. C'est cadeau. De toute façon, ne fais pas comme si j'avais le choix, mais le premier de la prog. Bah là, on va mettre The Weeknd avec Starboy. Bah voilà. C'est ton morceau préféré, putain, je fais un effort. Mon morceau préféré c'est 21 Pilots. Bah c'est. Ouais d'accord. Alors, on entend dire les choses. Bon allez, vas-y, mets The Weeknd avec Daft Punk, ça sera toujours mieux. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Belly point two just to hurt you. All red lamp just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week to. Main bitch out of your league to. Side bitch out of your league to. Piece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face. But I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get any lane. Switch out my core if I kill any pain. Look what you got. Try to test me, every day a nigga try to end me, pull off in that roadster SV, pockets overweight getting hefty, coming for the king, that's a far cry, I come alive in the fall time, the competition I don't really listen, I'm in the blue moon song, bump a new edition, house so empty, need a centerpiece, 20 racks a table come from ebony, cut that ivory into skinny pieces, then she clean up with her face, but I love my baby. Money need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I take any lane. I switch out my core if I kill any pain.